para a Bíblia, mas isso é para a Bíblia. Marilu, oita a Bíblia. Josué, oita a Bíblia. Oita a Bíblia. Arrange cela. Ne fais pas de bruit, je ne veux pas de bruit, je ne veux pas de dérangement là maintenant. D'accord. Christ m'a racheté. Christ m'a racheté. Je chanterai car Christ m'a racheté. Christ m'a racheté. Christ m'a racheté. Je chanterai car Christ m'a racheté. Allons vous asseoir là-bas. Christ m'a racheté. Jésus m'a racheté. Je chanterai car Christ m'a racheté. Christ est mort pour moi. Christ est mort pour moi. Christ est mort pour moi. Je chanterai car Christ est mort pour moi. Christ est mort pour moi. Jésus est mort pour moi. Je chanterai car Christ est mort pour moi. Christ m'a purifié. Christ m'a purifié. Christ m'a purifié. Je chanterai car Christ m'a purifié. Christ m'a purifié. Jésus m'a purifié. Je chanterai car Christ m'a purifié. Il est mort pour moi. Il est mort pour moi. Il est mort pour moi. Je chanterai car il est mort pour moi. Il est mort pour moi. Jésus est mort pour moi. Je chanterai car il est mort pour moi. Il m'a pardonné. Il m'a pardonné. Jésus m'a pardonné. Je chanterai car il m'a pardonné. Hey, hey. Il m'a pardonné. Jésus m'a pardonné. Je chanterai car il m'a pardonné. Il m'a racheté. Il m'a racheté. Jésus m'a racheté. Je chanterai car Christ m'a racheté. Il m'a racheté. Jésus m'a racheté. Je chanterai car il m'a racheté. Il est mort pour moi. Il est mort pour moi. Il est mort pour moi. Je chanterai car il est mort pour moi. Il est mort pour moi. Jésus est mort pour moi. Je chanterai car il est mort pour moi. Il est mon ami. Il est mon ami. Jésus est mon ami. Je chanterai car il est mon ami. Il est mon ami. Jésus est mon ami. Je chanterai car il est mon ami. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Jésus est tout puissant. Je chanterai car il est tout puissant. Il est tout puissant. Jésus est tout puissant. Je chanterai car il est tout puissant. Il t'a pardonné. Il t'a pardonné. Jésus t'a pardonné. Je chanterai car Christ a pardonné. Christ a pardonné. Jésus t'a pardonné. Je chanterai car Christ t'a pardonné. Il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Jésus est mort pour toi. Je chanterai car il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Jésus est mort pour toi. Je chanterai car il est mon toi. Il est ton sauveur. Il est ton sauveur. Jésus est ton sauveur. Je chanterai car il est ton sauveur. Il est ton sauveur. Jésus est ton sauveur. Je chanterai car il est mon sauveur. Il m'enlèvera. Il m'enlèvera. Jésus m'enlèvera. Je chanterai car il m'enlèvera. Il m'enlèvera. Jésus m'enlèvera. Je chanterai car il m'enlèvera. Il est tout. Il est maintenant. Il est maintenant. Jésus est maintenant. Je chanterai car Christ est maintenant. Il est maintenant. Jésus est maintenant. Je chanterai car il est maintenant. Il est mon ami. Il est mon ami. Jésus est mon ami. Je chanterai car Christ est mon ami. Il est mon ami, Jésus est mon ami. Je chanterai car Christ est mon ami. Il est ton ami, il est ton ami. Jésus est ton ami. Je chanterai car Christ est ton ami. Il est ton ami, Jésus est ton ami. Je chanterai car Christ est ton ami. Amen. Amen. Bonsoir. Dis bonsoir à quelqu'un. Dis bonsoir. Ce soir, nous allons recevoir au milieu de nous le pasteur Serge qui va nous donner, avant qu'on ne parte, parce qu'on va certainement travailler dans la parole. Comme ça, après sa prédication, on va maintenant vraiment travailler parce qu'on a du temps. On s'est bien reposé toute la journée, n'est-ce pas? Les uns, les autres, on a bien marché, bien bavardé, bien mangé. On dit merci au Seigneur pour cela, n'est-ce pas? Amen, amen, amen. Amen. Donc après le pasteur Serge, on va causer maintenant dans la Bible. On va aller dans la Bible. C'est quoi, frère Serge? Donc, toute l'assemblée se tourne devant le frère Serge pour l'écouter. Frère Serge, tu as la parole. Bonsoir. Taille, donne le micro à Frère Serge. Bon, en fait, ça fait vraiment plaisir d'être là, d'être ici avec toute la famille. Je vais parler un peu de Dieu. C'est très important. Et aujourd'hui, on va faire un petit tour. On va faire parler de ce qui se passe un peu dans le monde. Les chrétiens qui se disent chrétiens et qui sont toujours attachés un peu au monde et avec tout ce qui se passe de ce côté là donc on va un peu prendre la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée 6, 6. Je vais lire. Certes, la foi en Dieu est une grande richesse si l'on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous n'en pouvons rien emporter. Par conséquent, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela doit nous suffire. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et néfastes qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Certains ont eu une telle envie d'en posséder et qui se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. 1 Timothée, chapitre 6, verset 6. Je reprends au verset 6. Certes, la foi en Dieu est une grande richesse si l'on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous n'en pouvons rien emporter. Par conséquent, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela doit nous suffire. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et néfastes qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Certains ont une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. Amen. Donc, nous voyons dans ce verset que on parle des gens qui sont à les gens qui aiment le monde, les biens, les richesses et le matériel. Puisque la parole de Dieu dit, au verset 6, certes, la foi en Dieu est une grande richesse. La foi en Dieu, la confiance en Dieu est une grande richesse. Mais quelqu'un qui est dans le monde ne peut pas accepter cela parce que la foi seulement, la foi en Dieu, est-ce que c'est la foi qui donne les voitures? Est-ce que c'est la foi qui donne les Ferrari ou autre? Mais pour lui, il veut toucher à ça, le matériel. Donc la foi en Dieu est une grande richesse si l'on se contente de ce que l'on a. Donc Dieu m'a dit, je ne te laisserai pas. Donc si tu as confiance en lui, et il ne va jamais te lâcher. Donc ce qui fait que quand tu as confiance en lui et tu crois vraiment en lui, qu'il est ton Seigneur, il est ton Sauveur, il ne va jamais te lâcher. Il sera toujours là quand tu auras besoin de lui. Et c'est notre seul unique et vrai ami qui ne lâche pas. Parce qu'en fait, on a les amis dans le monde. Parfois, quand tu as besoin de lui, il te tourne le dos. Au pire des moments, quand tu as vraiment besoin de lui, de son soutien, de son support, c'est là où il te lâche. Mais avec Jésus-Christ, c'est pas le cas. Il est toujours là quand tu as besoin de lui. Il est toujours là. Il répond toujours présent à ton appel. Donc, c'est pour ça que la parole nous dit, certes, la foi en Dieu est une grande richesse si l'on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous n'en pouvons rien emporter. Quand on est venu dans ce monde, on est venu comme ça, bras ballants. Et pourquoi on veut donc s'enrichir? Pourquoi? Jusqu'à la fin, en fait, la preuve, quand un riche meurt, est-ce qu'il n'est pas avec ses Bugatti, ses Ferrari? C'est juste un petit cercueil et puis bon, et c'est comme ça. Et pourquoi on veut donc s'enrichir tant? Donc, faire des buildings, des immeubles et tout et tout, alors que en fait, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu demande de lui donner notre vie, de s'attacher à lui. On doit chercher cette relation avec lui. Et que de chercher les biens, les richesses de ce monde, qui périssent parfois à la fin. Et on voit les maisons qui tombent parfois de moisissures et autres et tout et tout. Mais avec lui, c'est toujours c'est une fondation très solide qui ne chute pas. Parce que en fait, quand on est avec Jésus-Christ, tu es toujours avec lui. Tu es en confiance. Tu es sûr que même si c'est comment, il sera toujours là. Il va toujours répondre présent. Et il dit, sinon, se content de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous ne pouvons rien emporter. Par conséquent, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela doit nous suffire. Si nous avons la nourriture et les vêtements. Donc, pourquoi vouloir donc toute cette richesse à la fin qui finit juste par périr? Parce que amasser les biens, on voit un chrétien qui a cette maison, cette parcelle de terrain et tout, mais on va où avec tout ça? Alors que quelque part, il y a un chrétien qui a besoin peut-être d'une Bible même qui coûte ne suffit que 2000 ou quoi que ce soit, mais il n'arrive pas à s'offrir une Bible pour bien lire la parole de Dieu et autres. Et donc, ce qui fait que si nous avons de la nourriture et le vêtement, Cela doit nous suffire. Il dit au verset 9, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et néfastes qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent la perte. Donc, dans ce monde, c'est pas facile. Hein, et plus c'est fait. Déjà, pour la gloire de ce monde, ce monde est déjà d'abord appartient au diable. Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, ce qui fait que pour marquer ton nom, pour inscrire ton nom dans ce monde, il va falloir faire avec lui. Et à qui Satan, donc il va falloir signer faire des choses avec lui pour imposer. C'est pour ça qu'il dit au verset 9, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et néfastes qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Puisqu'à la fin, tu te retrouves dans des milieux où tu ne devais pas te retrouver. Et à la fin, et puis bon, ce qui cause la perte. Car, au verset 10, car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Certes, certains ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Certains ont une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi. Ouais, le mot foi revient. Le mot foi revient. L'argent, les chrétiens, l'argent, toujours l'argent. Gars, c'est comment? Gars, c'est fort, c'est chaud. Et gars, bon, gars, l'argent, toujours l'argent. Donc, ce qui fait que la racine. Il dit, car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. L'amour de l'argent. Les chrétiens qui aiment l'argent. Certains ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont infligés plein de tourments. Et puisque, à la fin, puisque le même dit, qui aime le monde ne peut plus m'aimer. Pourquoi? Parce que le monde est sous la puissance du diable. Donc ce qui fait que si tu aimes le monde, tu seras obligé de faire certaines choses avec le diable et tu ne pourras plus être avec Dieu. Donc, et tu fais ces choses pourquoi? Parce que l'argent, tu veux l'argent, les biens, la richesse de ce monde et surtout la gloire, la célébrité et tout ce qui suit. Donc ce qui fait que quand tu aimes l'argent, tu seras toujours tenté à faire certaines choses et des mauvaises choses. Donc contente-toi de ce que tu as. Donc c'est un peu ça dans 1 Timothée, nous pouvons continuer aujourd'hui, dans 1 Timothée 6, verset 6, qui parle de... Donc ici, si on retient quelque chose, on doit mettre toute notre attention, toute notre attention à Jésus-Christ, la foi en Dieu. C'est le plus important. Mettre notre foi en Jésus-Christ. Parce que c'est lui notre véritable ami. Avec lui, on est sûr. Il ne va jamais nous lâcher. Il sera toujours là, au bon moment. On ne va pas baser tous nos espoirs sur les hommes et sur le matériel autre. On va un peu dans 1 Jean aussi. 1 Jean. Jean, chapitre 2, verset 15. 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Jean chapitre 2 verset 15, ça lui dit, n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est plus possible d'aimer le Père. Verset 16, en effet, voici ce qui appartient au monde, la volonté de satisfaire ses propres désirs, ou de posséder ce que l'on voit. ainsi que l'orgueil fondé sur les biens terrestres. Eh bien, tout cela vient non pas du Père, mais du monde. Verset 17. Le monde est en train de passer, ainsi que tout ce que l'on y trouve à désirer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu vit pour toujours. Verset 15. N'aimez pas le monde. Il dit n'aimez pas le monde. Mais déjà, on est dans le monde, hein. On est dans le monde, mais il dit n'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. Ni rien de ce qui appartient au monde. C'est vraiment c'est très très fort. Mais on est où? On est dans le monde. Mais il dit n'aimez pas le monde. Ni de ce qui est dans le monde. Mais on va donc vivre comment? On va donc faire comment? Pour échapper à cela. La question reste posée. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est plus possible d'aimer le Père. Comment ça? Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est plus possible d'aimer le Père. Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est plus possible d'aimer le Père. Donc ça veut dire le monde entier est sous la puissance de Satan. Et si tu aimes déjà le monde, ça veut dire que tu ne peux plus aimer le Père. À qui appartient le monde? Satan. Donc ça veut dire que pour t'imposer ici, pour faire des choses ici, pour briller, pour faire... Donc, tu ne pourras plus aimer le Père parce que tu ne seras plus avec lui. Mais tu es dans le monde. N'aimez pas le monde, je réponds au verset 15. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui appartient au monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne lui est plus possible d'aimer le Père. Verset 16. En effet, voici ce qui appartient au monde, la volonté de satisfaire ses propres désirs. Vendons ce qui appartient au monde, la volonté de satisfaire ses propres désirs, à satisfaire la chair, le corps. Et je veux ça, il me faut ça, je veux ça, je veux ça, je veux telle paire de chaussures, je veux la brésilienne et tout, tout ça, c'est ça. En effet, voici ce qui appartient au monde, la volonté de satisfaire ses propres désirs ou de posséder ce que l'on voit, ainsi que l'orgueil fondé sur les biens terrestres. Eh bien, tout cela vient non pas du Père, mais du monde. La volonté de satisfaire ses propres désirs. Donc, on veut toujours, on veut, je veux ceci, je veux cela, je veux ça. Le monde est en train de passer. Le monde est en train de passer ainsi que tout ce que l'on y trouve à désirer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu vit pour toujours. Le monde est en train de passer. Le monde est en train de passer avec tout ce que l'on y trouve. Donc avec tout ça, toute cette richesse. Le monde est en train de passer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu vit toujours. La volonté de Dieu. Mais celui qui fait la volonté de Dieu vit toujours. Même comme tu es dans le monde. Mais si tu fais la volonté de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On dit le monde est en train de passer. Avec tous ses biens. Mais toi tu fais la volonté de Dieu. Tu vis pour toujours. Donc c'est ce que nous dit. On doit mettre notre foi en Dieu. On doit mettre notre foi en Dieu. Parce que le monde est en train de passer. Et il dit, mais celui qui fait la volonté de Dieu vit pour toujours. Même quand le monde est en train de passer. Mais toi qui fais la volonté de Dieu, tu vivras. Ça c'était un Jean. Je mets un peu Jacques. Jacques 4, Jacques. Jacques verset 4. Chapitre 5. Jacques chapitre 4, verset 1. L'amitié pour le monde. D'où viennent les conflits et les querelles parmi vous? Ils viennent de vos passions qui combattent sans cesse au-dedans de vous. Vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'avoir. Et alors, vous êtes prêt à tuer. Vous avez envie de quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'obtenir. Et alors, vous vous lancez dans des querelles et des conflits. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne savez pas le demander à Dieu. Et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vos intentions sont mauvaises. Vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. Infidèle que vous êtes, ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu. Celui qui veut être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. Ne pensez pas que ce soit pour rien que l'Écriture déclare. Dieu réclame avec ardeur l'Esprit qu'il a mis en nous. Cependant, la grâce que Dieu nous accorde est supérieure, car il est dit aussi, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bonté. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, gens indécis. Soyez conscients de votre misère. Pleurez et lamentez-vous. Que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Abaissez-vous devant Dieu, il vous élèvera. Jacques, chapitre 4, verset 1. D'où viennent les conflits et les querelles parmi vous? Ils viennent de vos passions qui combattent sans cesse au-dedans de vous. D'où viennent les conflits et les querelles parmi vous? Ils viennent de vos passions qui combattent sans cesse au-dedans de vous. C'est intéressant ça. D'où viennent les conflits et les querelles parmi vous? Il dit, ils viennent de vos passions qui combattent sans cesse au-dedans de vous. Vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'avoir, et alors vous êtes prêt à tuer. Vous désirez quelque chose. Ta version là, c'est fort. Hein? C'est bien, c'est très, très fort. On est prêt à tuer. Bon, tu désires quelque chose, mais tu n'arrives pas. Donc, tu es à quoi? Tu es prêt à tuer. À tuer comment? Comment tu tues? Je répète tel que la soeur. C'est Jacques hein, au chapitre 4. Mais c'est quoi? C'est toi qui t'as besoin de comme les autres. Ah bon, ah ouais, c'est vrai. D'où viennent les conflits et les querelles? D'où viennent les conflits et les querelles parmi vous? Ils viennent des passions. Ils viennent de vos passions qui combattent sans cesse au-dedans de vous. Vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'avoir. Alors, vous êtes prêt à tuer. Vous avez envie de quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'obtenir. Alors, vous lancez dans les querelles et les conflits. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne savez pas le demander à Dieu. Mes frères, mais dis-nous, mais on demande à Dieu comment? Ils sont d'ici. C'est toi le pasteur. En fait, c'est amusant. C'est amusant pourquoi? Parce que il dit, vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'avoir. Et alors, vous êtes prêt à tuer. Waouh. Mais c'est fort. C'est du costaud. Vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'avoir. Et alors, vous êtes prêt à tuer. Mon pasteur, tu vas vraiment te demander des révélations. Vous avez envie de quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'obtenir. Et alors, vous vous lancez dans des querelles et des conflits. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne savez pas le demander à Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de... Il dit, je crois, en toute chose, dans vos prières, demandez à... Voilà, Philippiens, voilà. Donc, demandez à Dieu. Mais ici dans Jacques, il dit, parce que vous ne savez pas le demander à Dieu. Mais c'est... Vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'avoir. Vous êtes prêt à tuer. Vous avez. C'est ce que vous cherchez, parce que elle n'arrive pas à. Puisque vous avez, vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'avoir. Et alors, vous êtes prêt à tuer. Mmh. Pourquoi seulement tuer? Pourquoi il venait après ça avoir la chose? Avoir la chose. Mmh. Pourquoi tuer? Mais ça veut dire que c'est grave. Puisque on vient d'avoir la personne, vous ne faites pas entrer en position dans la chose. Vous avez envie de quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'obtenir. Alors, vous lancez dans des querelles et des conflits. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne savez pas demander à Dieu. Et si vous demandez, vous ne le recevez pas parce que vos intentions sont mauvaises. Tu peux me demander quelque chose à Dieu, mais tu ne reçois pas. Parce que tu demandes ça avec... Vraiment, Dieu, est-ce que je veux une voiture? Parce qu'ils vont le sentir. Je vais leur montrer que normalement, je suis arrivé. Non, je veux faire. Non, Dieu, je veux ce téléphone parce que moi-même. Donc, il y a un peu ça. Dieu sait. Avant même que tu me demandes, il sait de quoi tu as besoin. Parce qu'il sait que tu es un pasteur. Tu as besoin d'une voiture pour aller prêcher. Mais quand tu demandes la Ferrari, Dieu, je vais la Ferrari pour. Mais c'est comment? Mais demande la voiture. Mais comment tu précises que non, Dieu, je veux la Ferrari pour aller prêcher? L'infinity. Voilà, l'infinity. Donc, tu veux l'infinity pour aller prêcher. Donc, on dit que la Lada. Donc, la masse d'Aou, la Lada ne peut pas aller. Donc, c'est un peu ça. Donc tu précises, je veux la Pagia pour aller prêcher. Mais alors que. Si tu ne peux pas prêcher. Tu ne peux pas prêcher. Alors que la Lada fait le même trajet, la masse d'Aou. Mais toi, tu veux la Pagia. Donc, vous ne recevez pas parce que vos intentions sont mauvaises. Vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. Infidèle que vous êtes, ne savez-vous pas que être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? On revient là parce qu'on a vu ça dans un Jean et autres. Être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu. Donc quand on est ami du monde, quand on veut les richesses de ce monde, on sera toujours ennemi de Dieu parce qu'on s'est tenté à faire des mauvaises choses. Amen. Être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu. Celui qui veut être ami du monde sera donc ennemi de Dieu. Ne pensez-vous pas que ce soit pour rien que l'Écriture déclare, Dieu réclame avec ardeur l'Esprit qu'il a mis en nous. Dieu réclame avec ardeur l'Esprit qu'il a mis en nous. Cependant, la grâce que Dieu nous accorde est supérieure, car il est dit aussi, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bonté. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bonté. L'orgueilleux, ici c'est, on voit toujours les gens, parfois tu vois quelqu'un qui dit, non, gars, j'ai trop souffert. Si je suis arrivé à ce niveau, c'est parce que j'ai trop bossé. Non, c'est parce que aujourd'hui c'est mon école qui a payé. J'ai trop fréquenté. C'est pour ça que je suis ce que je suis aujourd'hui. Non, c'est parce que j'ai trop souffert. Tu as souffert plus que qui? Tu as souffert plus que qui? Il y a des gens qui ont souffert plus que toi. Donc, dis que non, si j'ai ce que j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'ai bossé dur. J'ai cravaché parce que je me suis sacrifié, je ne faisais pas ceci, mais pendant que toi tu faisais ça, non, c'est Dieu. Parce que tout ce que tu as, dis-toi que c'est Dieu qui t'a donné ça. Ça ne vient pas de toi, ce n'est pas le fruit de tes efforts. C'est Dieu qui t'a donné. Donc, cesse de dire que non, si j'ai ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai trop souffert. Non, c'est parce que j'ai trop bossé. Tu as bossé plus que qui? Donc, c'est un peu ça. Dieu réclame avec ardeur l'Esprit qu'il a mis en nous. Cependant, la grâce que Dieu nous accorde est supérieure, car il est dit aussi, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bonté. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, gens indécis. Résistons au diable. Et il ira loin de nous parce que le diable est toujours là, c'est son monde, on est dans son territoire, il est toujours là, il rôde toujours avec ses tentations multiples et autres. Il est toujours là parce que lui il réfléchit, il travaille Il a toujours des plans. Il ne nous laisse pas. Il est toujours là. Il a toujours quelque chose. Il crée toujours. Donc, il a toujours des petites choses là. Si tu n'es pas vraiment assis, il te prend. Donc, c'est pour ça qu'on dit résiste au diable. Parce qu'il vient, il tape. Quand il sent que c'est bon, il s'installe. Il est là, il rôde toujours. Il rôde. C'est son travail. On est chez lui. Il rôde. Est-ce que je peux m'installer ici? Non. Ça, c'est le foot. Non, je ne peux pas. Donc, c'est comme ça. Il est toujours là. Il rôde toujours. Et approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu. Cherchez Dieu. Il s'approchera de vous. C'est pas dans un problème. C'est pas quand tu es déjà coincé. Tu es déjà, je ne sais pas, comme ils sont dos nus, que tu as dit, hé, Dieu, aide-moi. Quel Dieu? Tu ne le cherches pas d'abord au quotidien. C'est quand tu es coincé, quand tu es devant un problème, c'est quand tu es au parquet ou tu ne sais pas où. C'est là que tu te mets à dire, Dieu aide-moi, je suis ton fils. Laisse pas. Et bon, que fais-tu de tes jours quand tu es là, tu ne pries pas, tu ne le cherches pas, tu ne te poses pas la question, qui m'a créé, qui a fait de moi ceci, tu ne te poses pas la question, tu te dis non, ah ça va, c'est, j'irai à la messe le dimanche, ça va, je vais faire. Il cherchait Dieu, parce qu'il a dit, qui cherche trouve, non? Si tu me cherches, tu vas me trouver. Bon, les gens de ce monde, les gens ont mis l'attention, c'est bon, c'est maintenant, qui cherche l'argent, qui cherche trouve. Alors il a dit, cherche-moi, tu vas me trouver. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu. Nettoyez vos mains, pécheurs. Nettoyez vos mains, pécheurs. Aïe, aïe. Vos péchés. Nettoyez vos mains, pécheurs. C'est qui graisse la barrière entre Dieu et nous. Le péché. Le péché. Au péché, parce qu'on est des pécheurs. Nettoyez vos mains, pécheurs. Comment nettoyer donc ses mains? Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs. L'hypocrisie, tu es avec quelqu'un, mais tu es là alors que ça ne va pas, mais tu dis, mais tu fais semblant comme si tout va bien alors que c'est pas ça. Tu penses mal de l'autre, tu médites de l'autre, c'est comme ça, le cœur est noir, mais quand devant toi, c'est comme un homme, mon frère, c'est comme un homme, ma soeur, alors que c'est pas ça. Purifiez vos cœurs, quand tu es avec quelqu'un, si tu n'aimes pas ce qu'il t'a fait, approche-toi de lui, tu lui dis, on est des hommes, dans la vie, il y a toujours des petits, mais ça s'arrange toujours. Purifiez vos cœurs, donc ça veut dire, tu ne dois pas être en colère pour l'autre. C'est ça, purifiez vos cœurs, le pardon, même si je t'ai fait quoi, même si tu as fait quoi, même si elle t'a fait quoi. Il faut toujours pardonner, parce que c'est important, il faut pardonner. Parce que Jésus-Christ même nous a pardonné. Donc il faut pardonner, purifiez vos cœurs. Donc quand tu dis que tu es dans le Christ, quand tu dis que tu crois en Jésus-Christ, il faut, quand tu dis que tu crois en Jésus-Christ et tu es vraiment attaché à Dieu, il faut, c'est important. Donc il faut être avec tout le monde, avec un même cœur, un bon cœur. L'hypocrisie autre là, c'est pas ce qu'on attend de nous. Purifiez vos cœurs, gens indécis, soyez conscients de votre misère. Pleurez, lamentez-vous, que votre rire se change en pleurs et que votre joie en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Soyez conscient de votre misère. Soyez conscient de votre misère. Pleurez, lamentez-vous, que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Abaissez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. On ne peut pas tromper Dieu. Dieu, c'est lui qui nous a créés. Il connaît tout un chacun. Il connaît... Tu peux me mentir, hein, mais tu peux pas mentir à Dieu, parce qu'il voit ton cœur, il sait ce qui est dans ton cœur. il sait ce que tu peux faire. Donc même si tu ne me dis pas, mais il sait ce que tu es capable de faire. Donc avec lui, tu ne peux pas le tromper. Donc il sait ce que tu es capable de faire, ce que tu ne peux pas faire. Donc tu ne peux pas le tromper. Lui, il voit nos cœurs. Parce que moi, je ne peux pas voir dans ton cœur. Hein. Je ne peux pas lire ton cœur, mais lui, il peut le faire. Donc tu ne peux pas le tromper. Donc ce qui fait que quand tu viens vers lui, tu dois venir vers lui avec un cœur pur. Parce qu'il aime la vérité. La vérité. Donc quand tu viens vers lui avec un cœur pur, dans cette vérité-là, tu es sûr d'être en connexion avec lui et tout ira bien. Donc voici un peu ce qu'on a appris de Jacques. L'amitié pour le monde aujourd'hui, c'est un peu ça que j'ai produit aujourd'hui, l'amitié pour le monde. Parce que s'il y a une partie dans le monde que Satan a déjà frappé franchement aujourd'hui, c'est la jeunesse. C'est pour ça que je me aujourd'hui la jeunesse, l'amitié pour le monde. Parce que quand tu fais un tour là, tu vois ce qui se passe là. Ce n'est que les jeunes, tu vas voir, on a trouvé le corps d'une jeune fille là-bas, elle est rentrée, elle a été, on a trouvé, il y a toujours la jeunesse aujourd'hui. Satan nous a, il nous pousse beaucoup, il nous pousse tellement qu'on est déjà avec, il est entré dans notre communauté aujourd'hui, on ne peut plus l'échapper. Pourquoi? Parce qu'on s'est détourné du bon chemin. Le chemin qui est la vérité, Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, on croit connaître, alors qu'on n'est pas sur le chemin. Donc c'est pour ça que j'ai un peu mis l'accent aujourd'hui. C'est l'amitié du monde, la jeunesse. Parce que c'est terrible ce qui se passe de nos jours. Au quotidien, dans nos sociétés, un peu partout, la jeunesse, le monde, l'amour du gain et tout, c'est pour ça que j'ai pris ces versets qui parlent du monde, l'amour de l'argent, des richesses, les biens de ce monde et tout, et cela vise beaucoup plus la jeunesse, et parce que, quelque part, Dieu attend quelque chose de nous. Dieu attend quelque chose de nous, la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, aujourd'hui, ce n'est plus... c'est pas facile de voir des jeunes qui suivent Dieu, qui suivent Jésus-Christ dans le bon sens. Donc aujourd'hui, avec tout ce qui court les rues, là, comme église, comme assemblée, j'appartiens à Paul, j'appartiens à Pierre, j'appartiens à tel, alors que c'est pas ce que Dieu attend de nous. Il y a toute une ligne à suivre. Donc c'est pour ça. Et lui me l'a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que quand tu connais la vérité, tu es libre. La vérité libère. Donc quand tu es libre, on ne peut pas te tromper. On ne peut pas te tromper. Tu vas dire à telle personne, non, laisse, c'est pas comme ça. C'est comme possible, c'est comme ça. Donc, c'est un peu ça. Parce que quand tu es libre, quand tu connais la vérité, et tu es en sécurité. Et quand tu as remis ta vie au Seigneur, tu n'as plus peur de rien. Tu ne dois plus avoir peur de quelqu'un, de quelque chose, du petit marabout du coin et tout. Parce que quand tu es en Jésus-Christ, là-bas, c'est l'assurance totale, tu es en sécurité. Donc, c'est pour ça que je voulais passer. C'est pour ça que j'ai fait l'enseignement aujourd'hui, qui parle du monde et beaucoup plus aussi la jeunesse. Parce qu'on est tous des jeunes, on sait ce qui se passe là dehors. Et donc, on doit remettre nos vies au Seigneur, lui faire confiance, savoir que c'est lui notre meilleur ami. Parce que lui, il n'est pas faux, il est vrai. Il est fidèle. Quand il est avec toi, il est avec toi. Il est avec toi, il ne peut pas te lâcher. Par contre, nos amis du monde, là, parfois tu l'appelles que Mola, c'est comment? Il dit que le gars, attends, j'arrive d'abord. Alors à la fin même, il ne vient même pas. Mais Jésus-Christ, quand tu l'invoques, il est là. Si tu es vraiment, il est là. Donc c'est pour ça, mieux vaut laisser les amis du monde là faire chercher l'amitié avec Jésus, chercher à entrer en connexion avec lui. Tu es sûr qu'avec lui, il ne va pas te déposer, il ne va pas te lâcher. Donc, ne cherchons pas Dieu quand on est déjà par terre, quand on est coincé quelque part dans je ne sais pas où. Là, c'est là que je me dis, hey, Seigneur, comment je ne pense pas qu'il peut répondre à ton appel. Parce que tu l'as tourné le dos depuis. Ce n'est pas aujourd'hui que tu viendras l'appeler et il va répondre présent à ton appel. Donc, cherche à le connaître déjà au quotidien comme ça. Quand tu seras coincé, il sera présent. Personne ne peut te juger. Papa Manga du village ou papa Nyoben, non, les petits sont. Ils ne seront pas à la hauteur. Quand tu dis en Jésus-Christ, tu es à l'abri, c'est important. Pourquoi? Parce que moi je suis d'abord. Moi j'ai fait l'église. Moi je suis né catholique. Donc ce qui fait que. Dieu m'a permis de voyager un peu, j'ai fait des pays quand tu arrives dans ces pays, il faut être, je peux dire, je ne sais pas, bête, pour ne pas te poser des questions, parce que quand tu fais un pays comme l'Indonésie, l'Inde, la Thaïlande, la Chine, tout ça, tu vois comment les gens adorent les idoles, tu vas voir quelqu'un qui prend une poule, l'autre une chèvre, un bouc, tout ça, c'est son Dieu, hein. Il fait un petit tabernacle, en fait, un hôtel quoi, il met des bougies, en fait, si c'est en Indonésie là-bas parce qu'ils ont l'or, ou la Thaïlande, il fait une petite maison là, en or là, et tout ça. Et là, il ne blague pas, hein. Là c'est son Dieu. Il ne blague pas, chaque matin il vient, c'est qu'il prépare, il pose la nourriture là, une nourriture qui se décompose là, puisque lui sait que le Dieu va manger et tout. Donc après, tu lui poses les questions, et toi, tu attends dimanche, parce que tu auras la messe chez les catholiques. Une messe même, parfois, même qui ne finit pas. Tu entends, boum, la bombe était là, et puis l'église. Donc, à la fin, tu te poses la question, on va où? On va où? Est-ce que ça, c'est... Pourquoi cette division? Pourquoi cette division? Je rencontre que c'était un peu le plan de Satan, parce que faut diviser pour mieux régner, parce qu'un peuple qui est uni, tu ne peux pas le déstabiliser. Un peuple qui est uni, parce qu'on dit l'union fait faire la force, c'est pas ça, frère. Voilà. Donc aujourd'hui, quand il sait que là-bas, les catholiques, les protestants et autres, tout ça, il sait que là, je les tiens. Mais quand on est un bloc uni, il ne peut pas. Et son quoi réussit, parce qu'il a réussi à nous diviser. Donc tu vois les bouddhistes, là-bas, parce qu'en Thaïlande, c'est les bouddhistes, l'Indonésie, c'est le plus grand pays musulman du monde. Là-bas, ce sont les musulmans. Donc ils sont là et tout. Mais quand tu reviens pas dans la parole, là il dit nul ne vient au Père sans passer par moi. Tu te poses la question que nul ne vient au Père sans passer par moi. Donc ça veut dire que même si tu es catholique, que tu sois catholique, musulman, bouddhiste, je ne sais autre quoi, nul ne vient au Père. C'est pas écrit le catholique ou le. Ça veut dire que tu sois musulman, bouddhiste, tu ne peux pas avoir le Père sans passer par lui. Je ne sais pas si ça fait réfléchir. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Donc ça veut dire que tu sois polonais, brésilien, argentin, ghanéen, tu ne peux pas voir le Père sans passer par lui. Et à la fin, donc c'est que tu as la réponse à ta question. Que tout ça, c'est. Et plus déjà, si deux églises enseignent des vérités contradictoires, là, le chrétien catholique dit Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le musulman dit Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Ça veut dire que si une vérité est juste, sa contradictoire est fausse. C'est pas ça, frère. Donc ça veut dire que quelqu'un ment. Et puis on peut avoir le même résultat. Mais on est déjà Dieu. Parce que l'autre dit il est le Fils, mais l'autre il n'est pas. On doit être d'accord. Ça veut dire que quelqu'un ment. Qui ment donc? C'est Dieu qui ment. Donc c'est un peu. À la fin, tu dis gloire à Dieu parce que Aujourd'hui, je connais un peu la vérité. Je connais la vérité, je connais le monde. Je le connais, le monde dans lequel je me trouve. Et puis, tu te dis, amen, Dieu merci. Et tu dis, tu essaies un peu de dire aux frères et aux sœurs qui sont qui ne connaissent pas encore la vérité. Il faut se ranger. Il faut chercher Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Je ne sais pas si un prophète, si un, parce que quand il dit je suis le chemin, la vie et la vérité, c'est, il parle avec assurance. Il est sûr de lui. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Ça veut dire qu'il est sûr. Il est sûr de ce qu'il dit. Il ne t'attend pas. Dans Jean, il dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc c'est des versets qui touchent, qui poussent l'être humain à réfléchir, à un chrétien à réfléchir, à se poser les questions, à chercher la vérité. Donc c'est vraiment bien d'être en Jésus-Christ et de connaître la vérité. Et puisque c'est. Parce que nous, on vient de le lire aujourd'hui quand on dit le monde est en train de passer. Parce que le monde est en train de passer. Parce que quand on sait ce qui arrive dans les jours. Quand tu es en arrivé là vraiment, si tu n'es pas dans le. Parce qu'il n'y aura pas de neuf. Il n'y a pas de neuf. Non, je suis au milieu. Il n'y a pas que je suis au milieu. Soit c'est oui, soit c'est non. Tu es avec lui, tu n'es pas avec lui. Il n'y a pas que je suis au milieu. Il n'y a pas de milieu. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut que quand il y aura un événement, il faut que ceux qui sont dans le Christ. Donc, il est simple. Amen. Donc le pasteur Serge avait des choses dans le ventre. Pasteur Serge, que le Seigneur te bénisse. Souviens-toi du message que tu as donné, que comme tu parles dans le monde entier, là tu seras confronté à ce même message. Et quand tu seras confronté à ce message, le Seigneur va te rappeler ton message que tu as donné au milieu de nous ici. Lève-nous alors. On va chanter ensemble. Maintenant on va commencer. Même si Dieu nous trouve ici, personne ne va nulle part, c'est pas ça. Attendons que la soeur là se lève. Elle prend le temps pour étager son foulard. Elle prend le ralenti pour se lever. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce Jésus ne passe pas. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer, ce monde va passer, ce Jésus ne passe pas. Ton travail va passer, ton argent va passer, même ta gloire va passer, ce Jésus ne passe pas. Ce monde va passer, ce monde va passer, ce monde va passer. Ce monde va passer, ce Jésus ne passera. Ton succès va passer, tes Mercedes vont passer, même tes immeubles vont passer. Ce Jésus ne passe pas. Ce monde va passer, ce monde va passer. Ce monde va passer, ce monde va passer, ce Jésus ne passe pas. Ta beauté va passer, c'est vrai, tes réussites vont passer, c'est vrai. Même ton succès va passer, ce Jésus ne passe pas. Ce monde va passer, ce monde va passer, ce monde va passer, ce monde va passer, ce Jésus ne passe pas. Tu prends quelqu'un, tout à quelqu'un comme ça, on chante comme ça, que la personne comprend bien le message du pasteur, parce qu'il a dit qu'on n'aime pas le monde. Arrête sa main. Je sais que si vous laissez là, chacun va commencer, vous allez commencer à me zimba. L'autre va parler. Donc ce soir, c'est le soir avec le Seigneur Jésus, ne vous laisse pas. Amen. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Regarde la personne, c'est à lui que tu as adressé. Ce monde va passer. Seul Jésus ne passe pas. Dis-lui que ta beauté. Ta beauté va passer. C'est vrai, c'est vrai. Ta beauté va passer. Je te dis que ta beauté va passer. Seul Jésus ne passe pas. Arrêtons là-bas et on analyse. Donc ça veut dire que si on met l'accent sur nos maquillages et autres là-bas, on sait que ça va périr. Puisque même les gens qui meurent, on met le maquillage, mais dans 3 jours là, c'est l'asticot qui mange. Amen. Répète encore cela. Ta beauté va passer. Ta beauté va passer. Oh, ta beauté va passer. Seul Jésus ne passe pas. Amen. Le pasteur nous a dit tout à l'heure là que il y a des gens qui tentent, comme il y a les gens, les joueurs de football, vous entendez qu'ils sont de la gloire, le succès, les acteurs ici, ils cherchent à être fameux dans le monde. Ils sont, vous entendez qu'ils ont des gratte-ciel, qu'à Hong Kong, il y a tel gratte-ciel, à tel endroit, il y a telle chose qu'on a conçu, que les gens de renom, la tour de Babel, parce qu'on voit sa trace aujourd'hui. On voit les choses que Nebuchadnezzar a conçu, on voit ça aujourd'hui. C'est que Salomon a conçu, est-ce qu'on voit ça aujourd'hui? Dit tes recherches vont passer. C'est vrai, tes recherches vont passer. Tes recherches vont passer. Seul Jésus ne passe pas. Ton argent va passer. Ton argent va passer. Ton argent va passer. Seul Jésus ne passe pas. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Seul Jésus ne passe pas. Amen. C'est lui qui a lu dans 1 Jean 5 là-bas que n'aimez point le monde, les choses qui sont dans le monde. C'est quelqu'un dans le monde, l'amour du Père ne point en lui. Il dit qu'à tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, le bel David ne vient pas de Dieu. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Amen. Mais celui qui fait la volonté du Père demeure éternellement, n'est-ce pas? Ton argent va passer. Ton argent va passer. Ton argent va passer. Seul Jésus ne passe pas. Amen. Viens nous asseoir. On peut commencer maintenant, n'est-ce pas? Quand vous êtes dans le canapé comme ça, c'est confortable, vous dormez. La sœur Amir, tout à l'heure, vous avez fermé un peu ses yeux, pour dire que la lumière me dérange. Pendant qu'on parle, elle bouge la tête comme ça, normalement. Donc, dans ce message, ça me donne si monsieur veut parler, il veut parler peut-être en 2 parties. Donc, on va parler, si Dieu permet, 2 heures, 3 heures. Et peut-être, comment la sœur Miriam, comme ça, tu es la femme du pasteur. Avant ça, permettez-moi, s'il dit quelque chose qu'il faut, vous me dites, n'est-ce pas? Si chaque fois, si c'est faux, vous dites que c'est faux. Il y a 24 heures par jour. C'est vrai ou c'est faux? Nous avons commencé depuis peut-être 20 heures. Donc, il est 21 heures quelque chose, n'est-ce pas? Donc, ça fait juste une heure sur les 24 que nous avons consacré au Seigneur, n'est-ce pas? C'est ça ou c'est pas ça? Toute la journée, nous avons fait des choses qui n'étaient pas de Dieu, n'est-ce pas? Quand nous faisons ces choses-là, nous ne nous lassions pas, n'est-ce pas? Donc, comme pour joindre à ce message, nous sommes prêts à faire les choses du monde avec ardeur. Donc, quand c'est pour le Seigneur, on veut faire quelque chose, wassa, wassa. Vite, vite, on quitte là-dessus. C'est pour ça qu'il veut prendre le temps, ce soit pour mettre quelque chose, pour qu'on mette quelque chose, d'accord? Ça suppose que sur 24 heures, si on s'arrête là maintenant, ça fait une heure qu'on a consacré à Dieu pendant 24 heures. Et plus tard, quand il y aura un problème urgent où le monde ne peut pas résoudre, on va courir vers qui? Vers Dieu. On va prier une fois, il ne va pas répondre. On va se lasser parce qu'on croit qu'il ne répond pas, mais parce qu'on ne comprend pas que c'est dès le départ, on n'est pas sérieux avec lui. Si sur 24, que c'est lui qui nous a donné, on lui consacre une heure, on a un problème. Ça suppose qu'on passe 23 heures de temps à faire des choses qui ne sont pas de lui, des futilités. Des choses qui nous égayent et qui égayent l'ennemi. On est d'accord jusque-là? Donc, 24 heures par jour. Si on prend que on dort 8 heures de temps, parce qu'on va dormir 8 heures de temps, ainsi de suite, on va faire des futilités, finalement, on va rester comme ça en tournant. Gardons qu'on a fait 8 heures par jour, on a fait des futilités. Donc, arrondissons à 8 heures par jour. ça suppose qu'en 24 heures, on a fait 8 heures par jour. On compose comme ça, là. Ça suppose que c'est le un tiers de la journée sont consacrés pour les futilités. Il m'a minimisé. Parce qu'on vient de voir là clairement que sur 24 heures, sur une heure qu'on a dépassé. Alors, ça veut dire que dans 100 ans, ça fait combien de temps on a dépassé? 100 ans. En une année. En 25 ans. En 75 ans. En 75 ans, on aurait passé 25 ans dans la futilité. Donc, si tu dis 75 ans sur la terre, tu vas passer. Ça veut dire que si on compte les 75 ans en année, en faisant chaque jour 8 heures de temps où tu ne fais rien, ça se peut que tu as fait 25 ans sans rien faire. Imaginez un peu cela que ça veut dire. Ça veut dire que si tu as passé 8 heures de temps à dormir, comme chaque personne dort, quand tu dors 8 heures de temps, tu fais 75 ans sur la terre, ça suppose que tu as, pour dormir seulement, tu as passé 25 ans à dormir. 25 ans à dormir. Maintenant, ça c'est pour dormir 8 heures de temps, comme on dit qu'il faut que les gens dorment 8 heures de temps. Le matin, maintenant, tu vas prendre 1 heure de temps pour faire le déjeuner, ça fait 9 heures de temps. Tu ne sortis pas au travail, le travail que tu vas faire les choses, sortir dehors, tu vas faire 12 heures de temps, rentrer encore à la maison, te reposer 2 heures de temps. Donc finalement, on se retrouve enfin dans le voisinage, 22 heures de temps que tu fais des futilités. Tu vois, 22 heures de temps, on a seulement 2 heures de temps qu'on consacre à Dieu. Donc en définitive, on voit que si on a 100 ans, on a passé peut-être 98 ans à faire tout autour de la futilité. Donc pour 100 ans, on aura fait 98 ans de futilité. 2 ans pour les choses du Seigneur qu'on fait de façon superficielle. Imaginez seulement cela. Donc si on passe 22 heures de temps, 22 heures par jour, sur les 24, à ne rien faire, oui, à faire toutes ces choses-là qui ne glorifient pas Dieu, quand on aura fait 100 ans sur la terre, tu mets 100 ans sur la tête, tu marches avec le bâton comme ça, sache que tu as fait 98 ans sans rien faire du tout pour Dieu. Est-ce que c'est quand on aura cet âge-là qu'on pourra faire maintenant quelque chose pour Dieu? Donc il est en combat de le faire à chaud. On est d'accord. C'est pour cela que vous allez vivre. Ne comprenant pas sa chose, on a dit que non. Une bonne prédication dure maximum 45 minutes. Vous avez fait des choses dans la Bible. Comment on a fait pour chronométrer les prédications? On est arrivé comment pour chronométrer? Que non, ça dure trop. On dit que quand le cerveau humain continue à recevoir, à un moment donné, ça ne supporte plus. Mais pourtant, tu fais 22 heures, tu as fait des futilités, tu supportes. On voit les ligues des champions. Quelqu'un finit telle chaîne, il va à telle chaîne. Il finit telle chaîne, il va à telle chaîne. Il finit telle chaîne, il va à telle chaîne. En regardant toujours les futilités. Le futilité version A, peut-être ça peut être le football. Version B, c'est le série. Version 3, c'est Jack Bauer. Version 4, mais tout ça, on voit tout ça. Oh, la futilité, mais on n'est jamais fatigué. Mais quand il s'agit de Dieu, on dit, quand on parle comme ça, à un moment donné, le cerveau ne supporte plus. C'est pas ça. Pourquoi c'est seulement sur Dieu qu'on dit que quand ça dure là, on n'entend plus? La Bible nous rend compte que Jésus avait marché 3 jours avec les gens en prêchant, parce qu'à un moment donné, il s'est tourné, il a dit qu'il était fatigué 3 jours. Il a dit que si on les renvoie, ils vont manquer de famille, ils vont tomber en route parce que ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas mangé. Mais c'était derrière à suivre Jésus. Ils suivaient Jésus dans Jean chapitre 6. Depuis chapitre 6, il va transmettre le pain là, le donner pour qu'ils mangent. Donc 3 jours, ils ont suivi Jésus sans rien manger. Vous avez vu comment ils ont consacré 3 jours au Seigneur Jésus. Donc 24 une fois, 24 deux fois, 24 trois fois, ça fait 72 heures à écouter seulement le Seigneur Jésus. Mais nous, on dit que 45 minutes, c'est bon. Et même le 45, mais pendant qu'on a réfléchi comme ça, quelqu'un de réfléchir, c'est qu'il va manger à la maison. Comment il va faire avec le bailleur? Comment le lendemain sera? Donc, même les 45 minutes qu'on consacre à Dieu, là, on égrène encore les autres choses à l'intérieur qui n'appartiennent pas à Dieu. Finalement, même les 45 minutes, on a peut-être suivi 5 minutes de prédication. Quand ils sont, tu demandes comment était la prédication, on dit que c'était bien, le pasteur a bien prêché. Comment était la prédication? Non, il a parlé des choses intéressantes. Il parle bien. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Rien n'est entré. En fin de compte, on va vide, on rentre très vide. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on réforme nos voies. Il faut qu'on réforme nos voies, la façon qu'on considère Dieu. Parce que c'est lui qui nous a tout donné. Et comme il a dit là, lorsque les gens réussissent, ils croient peut-être que c'est parce qu'ils sont trop battus, Il a réussi dans l'école, il a réussi par telle chose, il a eu grâce d'être dans telle famille. Alors maintenant, les autres êtres qui n'ont pas eu cette grâce-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour ne pas mériter? Pour mériter cela, il faut poser la question. Parce que c'est le même Dieu qui t'a créé, qui les a aussi créés. Amen. Vous comprenez pourquoi on a chanté ce monde va passer, non? Toutes les choses qu'on va passer, les voitures vont passer, les immeubles vont passer. Mais seul Jésus ne passe pas. Et sûrement, il a dit que si quelqu'un vient à moi, il vivra. C'est justement celui qui donne la vie que les gens rejettent. C'est celui qui il a donné la certitude en ressuscitant des morts. C'est lui qui a guéri les gens sur la terre. donner la vie aux gens, de multiplier les choses, pour montrer que dans tous les domaines de notre vie que nous avons besoin, il peut venir en aide parce qu'il est tout, le Tout-Puissant. C'est justement lui qu'on rejette pour aller suivre les futilités. Commençons donc quelque part. Bon, on va lire, je ne sais pas où on va commencer, parce que ça fait suite à sa prédication là. On va lire quelque part. On va lire quelque part, commençons quelque part. Dans le monde dont lorsqu'on marche, regardez bien quand un enfant naît, quand l'enfant sort du ventre, quand il a besoin de quelque chose, première chose, il lance le cri de détresse. Quand il lance le cri de détresse, on essaie de résoudre son problème, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? La maman essaie de comprendre, on comprend le langage de l'enfant. Quand l'enfant pleure, on lui donne le sein, il continue à pleurer, la maman cherche autre part que ce n'est pas le problème des seins, donc c'est l'enfant, commence à regarder si l'enfant n'a pas pissé, si l'enfant n'a pas mal quelque part, comment toucher, parce qu'on regarde, quand l'enfant est calme, on sait que telle chose était allée. Pourtant, l'enfant n'a pas parlé que j'ai besoin de telle chose, telle chose qui a dû me piquer. Donc, il y a un langage. Le langage de la détresse exprime quelque chose. Et en réponse, il y a quelqu'un qui peut répondre à cette détresse-là. Il a dit tout à l'heure que Jésus était un ami fidèle, que dans n'importe quelle difficulté, il va nous venir en aide. Que c'est, on devait s'attacher à lui, on devait aimer le monde, l'amour de l'argent. Nous devons aller dans ce terrain pour développer cela, cette pensée-là dans la Bible. C'est-à-dire Jésus-Christ ne manque jamais au moment de la détresse. Ou mieux encore, l'ami fidèle est toujours présent. C'est ça dont je veux parler. Ou bien encore, on n'est pas seul lorsqu'on a confiance en Dieu. Ou bien encore, garder foi en Dieu. Ou bien encore, en qui as-tu cru? Ou bien encore, où est ton Dieu? Ou encore, es-tu sûr de là où ton cœur est accroché? Vous voyez le titre, n'est-ce pas? C'est juste ça qu'on va tourner maintenant. Donc, quand l'enfant crie, c'est parce qu'il sait effectivement qu'il y a une réponse quelque part. Et quand la réponse, c'est qu'il doit le satisfaire, vient, l'enfant est tranquille, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mes chers? De la même façon, comme nous naissons dans le royaume de Dieu, nous marchons, nous aurons des situations qui vont nous faire crier à Dieu. Et Dieu lui-même dans la Bible a dit qu'il y aura ces situations. Commençons dans un livre que vous aimez trop, le psaume. Vous aimez le psaume, non? Qui n'aime pas le psaume ici? Vous allez voir le psaume, on va commencer par le psaume. Ah, vous êtes fatigué au début comme ça là. Ouvrons le psaume 23 donc. Le psaume 23. Psaume 23. Donc, à un moment donné, donc, je vais déposer la Bible, je vais commencer à donner les versets, tel que ça va venir. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de notre Dieu et Père, l'amour du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous soient multipliés. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, le premier verset commence à poser un problème. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça suppose donc qu'il a démontré effectivement qu'il est susceptible d'une histoire de manque. Il a commencé à parler de manque alors que l'Éternel est son berger. Regardez bien, attends. Il dit, il me fait reposer dans des verts pâturages. Regardez donc que c'est le berger qui doit faire que le brebis repose dans les verts pâturages. Donc, c'est le berger qui connaît où il y a les verts pâturages. Vous êtes là, hein? Suivez attentivement. Il me dirige près des eaux paisibles. Donc, il faut manger, il faut boire. Il faut que quelqu'un nous conduise dans ces différents domaines. Les pâturages, c'est pour aller brouter. Et puis les eaux paisibles, non, c'est au niveau d'aller boire de l'eau. Donc on aura un problème de manger et de boire, donc de satisfaction. Et par conséquent, il y a quelqu'un qui est censé nous y conduire. Vous êtes avec moi? Verset 3. Il restaure mon âme. On restaure quelque chose qui a été désorganisé. Vous y êtes? Donc il y aura des situations. Il y aura des situations qui vont déranger notre âme. Mais c'est l'Éternel qui est censé restaurer. Jusque-là, vous êtes? Écoutez très attentivement. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Verset 4 qu'on connaît bien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Or, souvenez-vous, au verset 1, il a dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ici, la Bible nous dit de façon implicite, ou mieux explicitement, que sur la terre, tant qu'on sera là, il y aura les vallées de l'ombre de la mort. Et la Bible nous rassure ici que Dieu sera toujours avec nous pour marcher au travers. Donc, s'il y a une prédication qui dit que quand tu es en Dieu, tu es à l'abri des détresses, c'est du mensonge. S'il y a une prédication qui dit que si tu es en Dieu, tu es à l'abri des détresses, et on va parcourir dans l'histoire de la Bible, non. C'est que tu ne peux pas être en détresse, c'est le mensonge. C'est-à-dire que tu ne peux pas subir des difficultés. La Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il le fait comme ça pour que son nom soit glorifié. C'est pour ça que vous avez entendu plusieurs fois, David va dire que j'étais invoqué, tu m'as répondu. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Du haut de sa demeure, il a entendu les voix de mes supplications parce qu'il était en difficulté. Pourtant, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Donc il dit ici, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Donc dans la vallée de l'homme de la mort, il y a le mal. Il y a le mal, mais il ne craint pas. Jésus notre Seigneur a dit que je vous laisse dans le monde, comme le pasteur a dit tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous aurez des tribulations. Vous aurez. Après il dit, mais prenez courage. Il ne dit pas que non, je vous garde de cela. Parce que les tribulations dont le Seigneur Jésus parle et met à notre disposition dans notre marche avec lui ont un but pour nous perfectionner à son amour. Vous entendez ça, hein? La marche. Si je dis que non, comme il est chrétien, c'est pour ça que les gens ne comprennent pas que comment il est chrétien, de telles choses lui arrivent. Nous allons voir dans l'expérience des gens qui nous ont précédés. Amen. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, chaque fois qu'on lit ces psaumes, si vous voulez, chaque personne récite, mais il ne comprend pas ce que ça veut dire. C'est un peu comme le Notre Père. Où les gens passent le temps à rester chaque fois. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Ça suppose que tu auras ta vallée de l'homme de la mort où tu vas y marcher. Mais comment on ne comprend pas cela? Il dit, je ne crains aucun mal. Quand tu réussis, ça comprend que tu en as dit que quand je serai dans les difficultés, je ne craindrai pas. Pourquoi? Parce que Dieu va me voir, me faire passer au travers de ces difficultés. C'est ce que le verset veut dire. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc c'est le soutien du Seigneur qui va nous faire passer au travers des difficultés. Donc quelles que soient les difficultés. C'est pour cela que les personnages de la Bible ont des différentes difficultés qu'ils ont traversées. Et nous allons voir cela pour montrer effectivement que nous devrons avoir confiance en Dieu dans notre marche. Il faut qu'on soit sincère avec lui. C'est pour ça qu'on l'appelle l'ami fidèle. Amen. Quand je marche dans la vallée, verset 4, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Pourquoi ne crains aucun mal? Parce qu'il est avec nous. Je veux toute votre attention. Je suis en train de marcher quelque part où il y a des difficultés. La Bible nous dit ici que Jésus est avec moi, mais je marche dans cette difficulté avec Jésus. C'est ça. Hein? Donc, Jésus ne note pas les difficultés. Il t'aide à traverser au travers. Amen. Maintenant, regardez. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et puis il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est quand même terrible cela. Vous voyez? Tu oins ma tête, moins d'une la tête et ma coupe de bord. Regardez. Il dit, tu dresses devant moi en face de mes ennemis, devant mes adversaires. C'est-à-dire quoi? Les adversaires sont nécessaires pour que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Il faut qu'il y ait des adversaires. Maintenant, les adversaires sont de plusieurs styles maintenant, selon les voies que Dieu a tracées à chacun. Vous suivez? Demandez à Adam, le premier, quel a été son véritable adversaire. Il va vous dire ce que c'est que quitter la présence de Dieu lorsqu'on a commis le péché. Il va vous dire. Il va vous dire que lorsqu'il a commis le premier péché, sachant qu'il a livré toute l'humanité, que toute la responsabilité entre sa tête, imaginez ce qu'il a dû traverser. Mais le Seigneur était là devant Adam, où es-tu pour le chercher, pour le ramener de sa perte. Posez-lui la question, il vous dira, quelle terreur a-t-il subi? Me suivez? Posez la question à Abraham, comment il était encadré en Uz, âgé de 75 ans, marié sans enfant, ayant été riche. Posez-lui la question sur sa méditation quotidienne, quand il constatait cette richesse-là. Dans son cœur, alors que cette pensée-là venait chaque fois. Ok, tu es riche, mais si tu meurs maintenant, qui va rester hérité de cela? Et c'était sa méditation quotidienne. Donc, il avait son nom, sa vallée de l'homme de la mort. Il s'est posé des questions, comment s'en sortir? Juste à ce que quand Dieu est venu lui parler, il a dit que mais, si tu vas rendre riche maintenant, comme je m'en vais par le sommet de tous les hommes, qui va hériter cela? Il dit que c'est un étranger qui va hériter de chez moi. Pour montrer que c'était sa méditation quotidienne. J'ai écrit, lui causer les soucis de son âme. Souvenez-nous, on dit qu'il restaure l'âme. Posez-vous la question, comment il a dû faire pour traverser ce pays-là, alors qu'il avait 75 ans et Dieu lui a dit que lève-toi, va dans un pays et qui ne connaît pas, il lève avec toute la famille, commence à aller. Et il ne peut pas prouver aux gens que Dieu m'a parlé. Parce que Dieu parle et ce n'est pas scientifiquement prouvable. Il a reçu un appel. Il faut quitter son pays pour commencer à marcher à 75 ans, entraînant toute une foule derrière lui. allez dans des pays de lieu en lieu, marchant de part et d'autre, un vieillard de 75 ans. Posez-lui la question, il vous dira. Posez la question à Isaac, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de rapport sexuel. Posez-vous la question, comment il a dû voir des difficultés avec en voyant des jeunes filles devant de lui, en croyant peut-être qu'il est un vieillard, que quelque chose n'est pas arrivé. Posez-lui la question, il vous dira. Posez-vous la question lorsqu'il verra que quand tu as vu Rebecca, ta femme, et puis subitement il n'enfantait pas, posez-lui la question, comment cela a été. Posez-lui la question, vous dira. Rentrez à Sarah, posez-lui la question. Si sa belle famille était comme aujourd'hui, où quand une femme n'accouche pas, on va dire qu'on va aller chercher une autre femme, on va chercher une femme. Que tu as 99 ans, tu espères toujours, tu crois que tu vas encore avoir l'enfant, tu es en train de finir comme ça. Posez-lui la question, quelle méditation elle avait quotidiennement du fait qu'elle n'a pas allaité l'enfant. Et du fait qu'elle voyait l'enfant des autres courir tout autour. Elle aurait souhaité donner n'importe quoi comme argent pour avoir l'enfant. Mais il n'y avait pas l'Amérique à cette époque-là pour aller faire les conceptions in vitro. Posez-lui la question de ce qu'elle a passé. Quand je traverse et marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que ton bâton est avec moi et ton bâton est aux lettres, mais rassure. Et curieusement, ils servaient Dieu. C'était des gens, c'est ça le vrai problème. Ce sont des gens qui ils étaient avec Dieu. Mais ça n'a pas empêché la difficulté pour chacun d'eux de les traverser. Parce que chacune de ces difficultés avait un but. Posez la question à Jacob, il vous dira. Posez la question à Jacob lorsqu'il est né, lorsqu'il est sorti. Comment il était nonchalant, comment il voulait faire n'importe quel effort, mais son nom s'attachait à lui. Posez la question. Il vous dira comment c'était difficile de s'attacher à sa maman, rester toujours là sur place, être maltraité d'un poltron. Posez-lui la question, il vous dira. Comment son nom l'a malmené dans tous les pays où il voulait n'importe quoi en voyant qu'il avait frappé quelqu'un. Frapper pas au sens de taper. Frapper, ça veut dire qu'il pouvait usurper des choses des gens. Mais ça le suivait jusqu'à poser la question jusqu'à cette fatidique nuit où il a dit qu'il faut que son problème soit résolu maintenant. Posez-lui la question, il va vous dire quelle difficulté par laquelle il est passé. Amen. Continuez, suivez son fils, posez-lui la question à ce même Joseph. Lorsqu'on va venir annoncer que son fils qu'il aimait tant était déchiré en lui présentant les preuves avec le sang dessus. Posez la question pour que, on va te dire que la personne le plus que tu aimes, le voici qui vient faire l'accident de circulation, il est décédé. Sur qui tu comptais pour reposer ton espoir, que cette personne est décédée. Et on vient lui dire, en mentant que son fils, qui l'aimait, le voici qui est mort, déchiré par les animaux sauvages. Posez la question, comment était ta nuit, tes journées? Il a dit, ses cheveux blancs vont descendre maintenant. Il a commencé à pleurer. Regardez comment son âme a été. À notre âge et notre ère, on dirait qu'il va mourir d'une rupture d'anévrisme ou bien d'une crise cardiaque. Poser la question, quelle était sa difficulté? Poser la question, que comment se fait-il qu'il sait Dieu? Et les choses arrivent comme ça, Dieu ne lui révèle pas. Parce que Dieu a refusé de lui révéler. Pourquoi? Parce que ça avait un but. Parce que si Dieu lui révélait, où il se trouvait véritablement son fils, il devait descendre d'abord aller le chercher. Donc Dieu a dû lui cacher cela, parce que son plan était derrière. Mais Dieu ne l'a pas consolé sur quelquefois que ce soit. Son cœur souffrait, son âme souffrait. Mais Dieu avait un plan parce qu'il le gardait au travers de cette vallée de l'homme de la mort. Amen. Vous êtes avec moi? C'est pour dire quoi? Quelles que soient les difficultés que tu traverses en tant qu'enfant de Dieu, ces difficultés servent pour un but. Poser la question à ce jeune garçon lui-même qu'on est venu mentir son père, qu'il l'ait tué, alors que ce garçon a été vendu. Poser la question comment, quand on le vendait au Sabéen, à ses caravans qui en étaient partis, comment il a dû crier dans son âme. Poser la question de ce qu'il vivait, sachant que ses propres frères qu'il aimait, qui ne les avait jamais rien fait de mal, le vendait aux étrangers, sachant qu'il partait, on ne pouvait pas sortir, on pouvait lui faire de lui de n'importe quoi. Posez la question, combien ses cris de détresse n'ont rien servi, combien il était à l'intérieur de lui. Posez la question. Posez la question, pourtant il était avec Dieu. Il faut que vous remarquez cela. Tous ceux dont tu as décidé sont avec Dieu, mais les difficultés auxquelles ils traversent sont insupportables. Tes propres frères qui t'aiment, avec même, vous êtes sortis de même sémence, c'est avec lui. C'est eux qui te vendent. Pour un moins que rien. Pourquoi? Parce que tu as la révélation de Dieu. Tu marches avec Dieu. Dieu t'aime. On te vend pour cela. Posez-lui la question lorsqu'il est arrivé en Égypte. Malgré qu'il était prisonnier, tout ce qu'il touchait bénissait, était béni. Mais lui, il était prisonnier. Il touchait les choses des gens du monde. Et c'était béni. Posez la question à tous ces gens-là qui travaillent dans le monde entier, dans une entreprise, qui fait bien leur travail. Bien laisse aller où l'entreprise prospère, mais lui, on a de le maltraiter dans l'entreprise. Posez-vous la question, pourquoi? Parce que Joseph est passé par la même situation. La Bible déclare qu'il était chez Potiphar, on lui a donné. Potiphar a observé que tout ce qui touche est béni, il lui a donné chef pour sa maison pour que ça continue à bénir. Donc il exploitait le Dieu de Joseph au travers de Joseph, sans que Joseph ne participe à cela. Posez la question, les méditations quotidiennes de Joseph alors qu'on le maltraitait. En pays étranger, sachant que ses propres frères étaient vivants, sa famille était vivante, mais il est esclave sans rien faire, sans avoir rien commis de mal. Posez-vous la question, ce qui a été fait lorsqu'il était devant le juge égyptien, qu'on devait le juger pour le mettre en prison en l'accusant injustement qu'il a voulu violer la femme de Potiphar, son maître, alors qu'il était innocent. Posez-vous la question, alors que tout le staff était contre lui. Un, parce qu'il est hébreu. Deux, il est étranger. Trois, il est esclave. Et quatre, on dit de lui qu'il en voulait violer sa maîtresse alors qu'il n'a rien fait, alors que c'était de toutes pièces montées. Il n'avait que Dieu devant lui. Mais Dieu n'a pas empêché qu'on l'envoie en prison. Pourquoi? Parce que la prison était le plan parfait des dieux. Posez-vous la question, comment il a dû imaginer quelle injustice? Donc aujourd'hui, si on travaille au travers des injustices, on peut avoir condamné quelqu'un du fait qu'on lui n'ait rien fait. On te condamne, on te dit des choses, on ment sur ton nom alors que tu n'as rien fait. Dieu est avec toi. Sous d'autres cieux, maintenant, on va dire que Seigneur Dieu de justice, frappe que ton tonnerre parle. Brise-les, Seigneur, on envoie les flèches dans le cœur de l'ennemi. Joseph n'a pas fait cette prière. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des lettres écrites pour nous être envoyées afin que nous comprenions le plan parfait de Dieu, la marche avec Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Bien-aimé, vous êtes avec moi? Posez-vous la question à David. C'est que c'est d'être un enfant et de confronter un ours ou bien un lion. Posez-vous la question à David. Il va vous dire quelle terreur il a dû subir. Les moustiques qui l'ont piqué derrière les herbes. Les serpents venimeux auxquels pouvaient être exposés. Et des vaillants héros qui pouvaient venir pour arracher les brebis de son père. Mais il était là-bas devant pour les confronter chaque fois. Alors que les grands pères, ses grands frères les plus jeunes, les plus colosses étaient à la maison. C'est le dernier, le plus chétif qu'on a envoyé derrière les brebis. Un enfant. Et il poursuivait les lions avec les autres. Pourquoi? Parce qu'il était dans la formation de Dieu, dans toutes ses difficultés. Et c'est lui qui nous écrit ici que quand le Seigneur le fait reposer dans les verts pâturages, il pouvait comprendre la voix de Dieu derrière toute cette formation-là. Amen. Vous êtes avec moi jusque-là? Maintenant, prenons le livre des Hébreux au chapitre 13, le verset 7. Hébreux, chapitre 13, verset 7. Ils en allaient vraiment vite là pour le faire. Puis on va rentrer dans le livre d'Isaïe et puis dans le livre du prophète. Il y en a plein là qui sont en train de défiler devant moi. Vous remarquez donc qu'il n'est pas noté quelque chose quelque part, n'est-ce pas? Donc, comme ça vient là, je vous le dis. Comme ça vient, je vous le dis. Vous êtes dans Hébreux. Hébreux chapitre 13, le verset, ça permet de moi d'ouvrir ma Bible maintenant. Hébreux chapitre 13, verset 7. Voilà. Si tout le monde dit, je vais lire. Hébreux chapitre 13, verset 7. Il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Et imiter leur foi. Vous avez vu l'indication du Saint-Esprit? Il dit considérer. Il vous dit regarder. Observer. Ça suppose que, remarquez, je vous ai cité peut-être 5-6 personnages maintenant. Il dit observer. Ils annonçaient comme ça quoi? La parole de Dieu. Et l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 10, il dit que ces choses leur sont arrivées pour nous montrer, de servir d'exemple à nous que nous sommes arrivés à la fin des siècles. Alors, il dit observer, considérer. Les convois conducteurs, ceux qui nous ont conduits, qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Il dit, considérez quelle a été la fin de leur vie, imitez leur foi. Comment ils ont fini? Comment Adam, Abraham et les autres ont fini? Nous avons vu dans tous ces gens-là, vous allez voir tous ces gens que nous avons cités, vous allez voir effectivement que aucune difficulté n'est restée de façon permanente. Ça c'est un. De deux, derrière chacune de ces difficultés, le Seigneur a fini par se glorifier. C'est ça ou c'est pas ça? Donc, en toute situation, on marche effectivement avec le Seigneur dans la vallée de l'homme de la mort. Et puis, on dit quoi? Imiter leur foi. Leur style de confiance qu'ils avaient en Dieu. Comment ils marchaient avec Dieu. Ils marchaient dans cette difficulté. La Bible nous explique ici, ne désirant même pas être délivré de cela. Vous savez, c'est ça? Hein? Vous avez moi? Ok. Maintenant, suivez Moïse et observez Moïse. Observez quelqu'un qui avait tout pour être le président de la République du monde à ce moment-là. Suivez ce Moïse et que subitement, un de ces jours, il a le dégoût de ces choses du monde. Suivez-le alors qu'il confronte l'armée de Pharaon en quittant. Il avait fait, c'était audacieux de quitter Pharaon. Parce que Pharaon était capable de faire jurer à chaque roi que si je te le trouve dans ton royaume, tu dois le renvoyer ou bien je vais te faire la guerre à cause de Pharaon. Il n'a pas peur. La Bible déclare qu'il voyait ce comme étant l'invisible. Il est parti sans craindre la fureur de Pharaon. Il est parti, il a fait 40 années. Dieu ne lui a plus jamais parlé. 40 ans. Imaginez, 40 ans seulement, de rester comme ça. Il a dû méditer longtemps en disant que est-ce que vraiment ce que j'ai vu là était réel? Donc tu peux avoir vu quelque chose, entendu la voix de Dieu pour une fois. Et puis ça fait longtemps, il ne parle plus. Tu crois que Dieu est absent? Non, il est avec toi. Parce qu'il a dit dans Matthieu 28, verset 20, je suis avec vous tous les jours. Il n'a pas dit qu'il y aura un jour où il sera absent. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La Bible nous dit que si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Donc, si c'est toi qui as le problème, il reste toujours là. Il attend toujours que le problème soit réglé pour qu'il soit toujours avec toi. Amen. Amen. C'est Moïse est rentré. C'est lui qui est allé encore en Égypte pour confronter les descendants de Pharaon pour faire sortir le peuple de Dieu. Est-ce que vous entendez? Demandez à celui qui est diplômé le plus grand de l'université de Dieu, des épreuves de la Bible, Job. Demandez-lui ce que c'est que souffrir dans sa chair, dans son âme. Il va vous expliquer ce que ça veut faire. Demandez-lui ce que ça veut dire perdre sa richesse, sa notoriété, ses enfants en un seul jour. Et chaque fois, une lettre lui est envoyée pour lui montrer que je suis en réalité traité. La Bible déclare que Satan, il est resté comme ça un de ces jours. Quelqu'un entre. Il dit c'est quoi? On était en train de perdre les brebis. Les Sabéens sont venus, ils ont passé par fil de l'épée tous tes bœufs avec tes serviteurs. Je suis resté moi seul pour venir. Il était trop fort. Je suis resté moi seul pour venir t'annoncer cette nouvelle. Donc le but, c'est que la nouvelle touche son âme pour qu'il rejette Dieu. Pendant qu'il a fini, il dit que qu'est-ce qui ne va pas? L'autre entre en train de. C'est quoi? C'est encore quoi? Même jour. La Bible déclare c'est le même jour. Il dit qu'il n'a pas encore fini de parler, que l'autre est arrivé. Les mauvaises nouvelles, le même jour. J'étais dans la maison comme ça. Le vent de l'oreille venait, ça a saccagé la maison. Le feu dessus est descendu. Ça a tué tous tes enfants. Je suis sorti seul pour m'échapper pour venir t'annoncer. Est-ce que vous entendez les mauvaises nouvelles? Ces bœufs, toutes ces richesses. Il était exactement à notre ère comme Bill Gates. En un seul jour, toute sa richesse a été frappée. Toute sa richesse. Il a déchiré ses vêtements. Ça soit là-bas. Il n'a pas dit que qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Non. Il a dit que le Seigneur a donné. Le Seigneur a repris. Que son nom soit glorifié. Quelle parole! Mais aujourd'hui, si on prie une fois, ça ne donne pas. On dit que Dieu, s'il ne veut pas, il ne me donne plus d'abord. Je suis même plus, il ne prie plus. Si je ne prie pas, ça fait quoi? Hein? Que Dieu m'a déçu. Tu sais combien de fois tu l'as déçu depuis que tu es né? D'abord, quand tu es sorti, un de le ventre de ta mère, tu l'as blessé. Donc, premier péché, tu fais du mal à quelqu'un en sortant même pour commencer. N'est-ce pas la déception? Donc, tu es sorti mauvais du ventre de ta mère. D'autres ont dû faire signer dans le ventre parce qu'on a dû opérer la maman pour le faire sortir. Il ne sait même pas qu'il a fait du mal à quelqu'un. Mais il vient dire que Dieu l'a déçu. Donc, si Dieu voulait nous compter nos déceptions et prendre des décisions derrière nous, où serons-nous? Demandez à Job comment étaient ses jours. Ses amis sont venus comme ça là, dépassés par les événements. Personne ne savait comment commencer, par où commencer. Ça avait touché sa famille, ses avoirs, sa maison. Jusqu'à on allait toucher maintenant même son propre corps. Il était comme ça avec les camnobos sur lui. La Bible déclare qu'il prenait les tésons de bouteilles pour se gratter parce qu'il y avait le corps depuis les pointes de ses pieds jusqu'à la tête. On dit depuis la plante de ses pieds jusqu'à la tête. Il avait la gale partout qui le démangeait. Ça veut dire que ça l'empêchait même de dormir, même dans la souffrance. Donc il devait veiller pour vivre sa souffrance. Mais le Seigneur était derrière tout cela. Il a commencé à parler. Le moment où Dieu va traverser, il va traverser cette vallée-là avec le Seigneur. Un de ces jours, Dieu va parler au travers de la tempête. Et de qui est-ce qu'il obscurcit les desseins de Dieu par les discours insensés? Pour dire quoi? Que quand je vais faire quelque chose dans vos vies, même si c'est mauvais, taisez-vous. Même si ça semble être mauvais pour vous, taisez-vous parce que vous ne comprenez pas ce pourquoi je suis derrière. Allons dans le livre de Job, donc, lisons la fin. Puisqu'on nous a dit clairement que regardons la fin de leur vie, n'est-ce pas? C'est-à-dire quoi? Ne regardez pas les difficultés qu'ils ont parcourues. Regardez la fin. Comme ça, vous aurez la force de parcourir les difficultés. Amen. Job, avant somme là, parce que vous pouvez vous référer facilement. Job, avant somme, si vous avez la classification conventionnelle et standard, si vous avez les autres, maintenant qu'on a classé selon les autres trucs. Ok. Amen, amen. Mm-hmm. On y va. Verset, chapitre 42, dans le dernier chapitre de Job. Je vais la partie du verset 10. On y va. Verset 42. Job chapitre 42, verset 10. Je vais lire à partir de là. Regardez. Je vais lire. Si je vais dire quelque chose maintenant, ça peut choquer, mais c'est vrai. Regardez. L'Éternel, je suis au verset 10 du chapitre 42. L'Éternel rétablit. Vous avez vu le mot? L'Éternel quoi? Rétablit. Rétablit Job dans son premier état. Vous êtes avec moi, mes soeurs. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Maintenant, si Dieu avait dit à Job que je vais te faire passer par des difficultés, sans lui dire le résultat, que je vais te frapper, tes enfants vont mourir, il va commencer l'intercession. C'est pour cela que la première des choses que vous avez... Allons, mettons le doigt là-bas, allons d'abord dans Job chapitre 1. Allons au chapitre 1, voir ce qu'il en est, pour que vous voyez ce qu'il veut dire. Job chapitre 1. Permettez-moi de lire quelque chose, parce que quand il dit ça, on dit que... Il veut lire à partir du verset 1, hein? Job chapitre 1. Il veut lire à partir du verset 1, jusqu'à ce que vous allez trouver ce qu'on en a. Regardez. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Donc il n'y avait rien, c'est Dieu qui en a témoigné ici. Il n'y avait rien qui pouvait pousser l'homme à avoir des problèmes. Voici l'homme qui va avoir le plus grand des problèmes. Quatre choses sont dites de lui. Quatre choses sont dites de lui pour montrer sa qualification devant le Seigneur. On dit qu'il est intègre et droit. Deux, il craignait Dieu et il se détournait du mal. Donc quatre choses. Intègre, droit, craignait Dieu, détournait du mal. C'est ce qu'on demande aux êtres humains aujourd'hui. Il dit, verset 2, il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Prends l'Orient, c'est-à-dire que l'Orient, tu vois, la Chine, le Japon et autres là-bas, les Azerbaïdjan et autres là-bas, on dit qu'il était le plus considéré, le plus riche. Alléluia. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Donc, il vivait seulement dans la joie. Il fêtait seulement. C'était les fêtards. Il n'avait rien à faire. Puisqu'il y avait la richesse, il devait encore chercher quoi? Grâce visite Salomon de l'autre côté. Il dit, oh, comment? Tu viens quand? Il dit, il vient demain. Ils organisent la fête. Les gens mangent. Parce qu'il faisait seulement manger. La fête. On dit qu'ils visitaient tour à tour. La Bible déclare, et ils invitaient leurs 3 soeurs à manger et à boire avec eux. Écoutez très attentivement, écoutez très attentivement, verset 5. Et quand les jours des festins étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc il s'arrangeait à ce que le péché ne touche pas sa famille. On dit qu'il faisait ça chaque fois. Parce qu'il disait que ses enfants ont dû hériter Dieu, ils ont dû pécher Dieu dans leur cœur. Pécher contre Dieu dans leur cœur. Regardez comment il veillait sur lui-même et dans sa famille. Prenez le temps de lire Job au chapitre 32 et voyez exactement comment il présente. Il n'a jamais rien fait, ni regarder la femme de quelqu'un, ni mépriser le droit de quelqu'un, ni aller soudoyer les veuves, ainsi de suite. Donc il savait effectivement qu'il n'avait rien fait. C'est lui que Dieu vient permettre à ce qu'on frappe. Regardez, suivez attentivement, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Donc, le gars était dans les discothèques partout. Il marchait sur la terre. Il est en même temps en Thaïlande, dessus, il va en Inde, il se promène, il regarde ce qui se passe sur la terre. Donc, le gars visite lui, c'est un promenade. Verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Remarquez, c'est Dieu qui dit, hein? Mon serviteur Job. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Ce témoignage vient de la bouche même du Créateur des cieux et de la terre. Mais regardez bien ce qui lui arrive. Donc je recommence encore. Sois proche de Dieu comme la prunelle de ses yeux, ça ne t'empêche pas les difficultés. Ça ne t'empêche pas les tribulations. Sois un de l'esprit n'importe comment. Demandez à l'apôtre pour lui vous dira ce que c'est que les chicotes 40 coups moins 1, 5 fois, ce que ça fait. Demande-lui ce que ça veut dire tomber entre les mains des brigands, alors qu'on allait annoncer l'évangile. Demande-lui ce que ça veut dire nager jusqu'à la côte, lorsque les bateaux se brisent, lorsqu'on est enchaîné. Demandez à Daniel, demandez-lui ce que veut dire confronter les lions dans une fosse où tu peux mourir et tu n'as même pas de bâton pour te défendre. Demandez-lui. Demandez à Abednego, Shadrach et Meshach ce que veut dire être dans les fournaises. Ils vous diront ce que c'est. Demandez-le. Amen. Amen, amen. Demandez à l'apôtre Pierre, Jean et autres. Demandez-le ce que veut dire être à côté de Jésus dans son bateau et il est en train de se noyer et que la tempête fonde sur la mer. L'eau entre dans le bateau en grand nombre. La peur, la crainte au-dedans et puis les cris de détresse qu'on lance. Pour que le Seigneur puisse se réveiller pour pouvoir résoudre le problème. Demandez-lui ce que ça veut dire dans leur âme, confronter cette difficulté. Donc avoir le Saint-Esprit, guérir les malades, prier pour les démoniaques qui sont chassés, ne t'empêche pas que Satan puisse avoir la même mise dans ta vie pour t'éprouver. Parce que l'épreuve, c'est le moyen par lequel Dieu est pur et purifie notre foi. Donc c'est nécessaire. Mais le vrai problème, c'est ceci. Il faut qu'on comprenne que dans cette vallée-là, le Seigneur est avec nous. C'est l'ami fidèle. Amen. Maintenant, continuons ici. Il dit, l'Éternel dit à Satan, verset 8, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Vous avez remarqué que c'est Dieu lui-même qui a attaqué Satan, non? Levons-nous, tenons-nous debout, alors qu'on lit cela. Il vous connaît bien. Vous bougez la tête comme ça, vous me laissez lire. Voilà. Donc, le verset 8 dit, si là, au moins, si c'est que tu vas tomber. Donc, le verset 8 dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur? Donc, c'est Dieu qui a attiré l'attention de Satan sur Job. Mm-hmm. Dieu a pris l'initiative donc d'inviter Satan à avoir un regard différent sur Job. Donc, attire l'attention de Satan sur Job. Maintenant, il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Et tu penses que c'est pour rien qu'il fait cela? Vous voyez comment la conversation entre Satan et Dieu a commencé. La question que je vous pose, est-ce que Job sur la terre était conscient de ce qui est en train de se discuter sur lui? Alors maintenant, de la même façon, chaque croyant, il y a des discussions sur ton cas. Chaque croyant, ça c'était pour Job. Chaque croyant, sans exception, la Bible dit de Satan que c'est l'accusateur des frères. La Bible dit de lui dans 1 Pierre chapitre 5 que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les mêmes souffrances. Donc personne n'est excepté. Et la Bible déclare donc dans ces Hébreux chapitre 12 que si tu n'as pas part au châtiment auquel tous ont part, donc tous ont part à ce châtiment, tu es un enfant illégitime. Donc chacun doit participer. Demande donc ton voisin, quelle est ta part? Ta part n'est pas ma part. Comme chacun a son toucher le coiffeur, chacun a son lot de difficultés, son lot de persécutions, son lot de tribulations. Voilà. Maintenant, verset 9, et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Donc, ça veut dire clairement que Satan a tenté. D'abord, ça n'a pas allé. Il dit que Dieu l'a protégé. Or, Job n'était pas conscient de cela. Rien ne lui arrivait parce que Dieu avait la même mise sur lui. La Bible déclare que celui qui repose à l'homme du Tout-Puissant, l'ange de ténèbres campe autour de ceux qui le craignent. Comme Job craignait Dieu, l'ange campait autour de lui, Satan n'avait pas accès. Donc, si nous craignons Dieu, l'ange est avec nous. La seule possibilité que Satan puisse nous toucher, c'est que Dieu donne l'autorisation, comme il a dit. C'est donc pour cela que la Bible déclare que rien n'arrive sans sa volonté. Rien. Il dit que, dans ce Romains chapitre 8, là-bas, il dit que nous savons que du moins que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, s'il y a du mal dans ta vie, c'est pour ton bien. S'il y a du mal dans ta vie, un événement mauvais dans ta vie, c'est pour ton bien. Si Satan savait effectivement qu'en emmenant Joseph en Égypte, c'était plus tard pour qu'il glorifie le nom de Seigneur Jésus-Christ et devienne le premier ministre, il n'aurait pas fait. Si Satan savait effectivement qu'en ramassant, en envoyant sa fille pour qu'il ramasse Moïse sur la mer, venir l'élever chez lui-même, que c'est cet enfant-là qui devait venir plus tard, venir sortir les juifs qu'il oppressait dans ce pays-là, il n'aurait pas fait de noyer l'enfant-là dans l'eau. C'est vrai ou c'est pas vrai? S'il savait que la mort du Seigneur Jésus, en allant avec le Seigneur Jésus, quand Jésus était là dans cette rue, la portant sa croix, tombant, chicoté, tombait partout là. S'il savait que la croix qu'il portait pour les mettre là-bas, c'était pour les dépouiller, il ne devait pas le faire. C'est pour ça que la Bible déclare que c'est une sagesse mystérieuse et cachée que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue. Où est-ce là? On dit que car s'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc la crucifixion du Seigneur Jésus était leur propre défaite. Ils ne savaient pas qu'en allant tuer Jésus, c'est leur défaite comme ça. S'ils savaient ça, ils ne devaient pas le faire pour montrer que Satan manque toujours et manquera toujours. Si Satan savait que le fait qu'il permette à Mélissa de venir jusqu'à Douala était la fin de sa carrière, il ne permettrait pas qu'il vienne ici. Parce qu'il a le contrôle de tous les événements. S'il savait que oppresser Mélissa, c'était pour aboutir à ce qu'il vienne vers Jésus. Parce que s'il n'oppressait pas Mélissa, Mélissa était serait maintenant à Bastos en train de chanter, boire un peu le pastis. Vous appelez pastis? Pastis? Pastis ou bien royalty? Voilà, c'est qu'il devait être en train de boire cela. Mais comme il a fait ça oppresser Mélissa, l'heure est grave, Mélissa a cherché la solution. En cherchant la solution, il a trouvé chez qui? Chez Jésus. Amen. Vous voyez? Donc Satan est un mal nécessaire pour les croyants. Satan est un mal nécessaire pour les croyants. On avance ici dans ce livre de Job. Courage, d'accord. Je sais que c'est pas facile, mais je sais que d'abord je vais vous suivre. Dès que je vous laisse comme ça, pam, si vous, voyez, vous commencez le babada, vous commencez le truc là, vous êtes en forme, on revient encore en deuxième partie. Verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Donc Satan a testé. Il a testé Job, ça n'a pas marché. Testé sa maison, ça n'a pas marché. Testé tout ce qui est à Job, ça n'a pas marché. Il faut maintenant qu'il trouve la faille. Comment on fait pour atteindre cela? Il dit, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Donc Job, Satan était, il n'aimait pas ça. Satan donne le renseignement à Dieu, donc il a parcouru le pays parce qu'il s'est promené sur la terre, il connaît tout le renseignement. Verset suivant dit, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. Le défi était lancé à Dieu. Il fallait que Dieu donc ne baisse pas la main. Donc, c'est Job, c'est Satan qui dit à Dieu, étends ta main, touche à tout ce qui est à lui. Il dit qu'il est sûr. Donc, vous voyez que Satan fait ces choses étant sûr, mais chaque fois, il échoue. Amen. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Vous entendez quelle discussion peut avoir sur nous? Donc tu peux rester comme ça là. Tu dis que pourquoi ma vie ne marche pas? J'ai fait un peu comment j'échoue. Les mes amis avec qui on a fréquenté sont comme ça. Je connais tes personnes, le voilà dans une grande maison. Vous n'êtes pas ensemble. Ça se discute en haut là-bas sur toi. Puis encore, si tu es croyant, t'as pas grave. Si tu es croyant, ça suppose que tu as choisi de détruire et de combattre contre la puissance ennemie. Donc il va dire. De déployer toutes ses forces pour te combattre. Le simple fait de prendre position pour Jésus, derrière Jésus montre clairement que tu as pris position contre l'ennemi. Et par conséquent, l'ennemi, donc, tu es sa cible. Vous suivez? Donc, la vie, des fois, ce n'est pas Seigneur Jésus-Christ, je t'aime, ce n'est pas ça. C'est que même dans les difficultés, même si tu n'entends pas sa voix, même si tu ne vois pas sa manifestation, il est là parce qu'il a dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois. Il n'a pas dit je suis avec vous dans les difficultés. Il a dit tous les jours. Le jour où c'est bien, tu ne sens pas de pression, il est là. Le jour où tu sens les pressions, il est là, même si la pression est là. Parce que la pression a un but. Si tu dors tranquillement chaque fois, tu n'as pas de pression. Tu dors sans pas de pression. Un de ces jours, comme tu sais qu'il n'y a pas de pression, tu dors sans prière, n'est-ce pas? Attends donc que tu entends un genre de bruit bizarre. Tu vas te mettre en prière. Parce que le bruit t'a invité que ici, il faut inviter Jésus. N'est-ce pas? Donc les difficultés donc, sont des moyens donc, pour perfectionner notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel dit, verset 12, dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre seulement, ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Écoutez très attentivement. Dieu, par cette écriture, montre que Satan ne peut fonctionner dans notre vie pour nous toucher ou toucher tout ce qui nous appartient qu'à la limite qu'il y a assignée. Et qui est la présence de Dieu pour aller faire. Dieu est là, Dieu n'a pas besoin de bouger pour faire, qu'il a fait comme ça. Comme il a dit ça, c'est ce que Satan va faire. Donc, Dieu ne peut, la Bible nous explique donc que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Et puis il dit, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen afin que nous en sortions. Donc, avant que Satan ne crée, ne commence à subir, nous donner les difficultés, il y a déjà la solution. Vous comprenez? Ok. Maintenant, regardons verset 13. Un jour, regardez bien, la réunion est finie en haut là-bas. Les discussions entre Dieu et Satan sont finies en haut. Donc, Satan, dans son programme, attend seulement le jour favorable où il va commencer sa mission sur la terre. Mais je veux que vous compreniez que Job, ni ses enfants, ni personne sur la terre n'est au courant de ce qui allait se passer en haut, entre la discussion entre Dieu et Satan. La Bible déclare maintenant qu'un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur père, de leurs frères aînés, comme d'habitude, puisqu'on a dit que c'était leur coutume. Il arriva auprès de Job un messager, vous avez moi, un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânes paissaient à côté d'eux. Les sabots se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. C'est ce qu'il voulait vous amener. Première chose que Satan a frappé, il a frappé l'objet du culte. La Bible déclare que quand Job, quand les enfants de Job faisaient les fêtes, après ils partaient donner les sacrifices, les holocaustes. Parce que c'est ça, c'est en versant le sang qu'on pouvait protéger. On versait le sang, c'est le sang qui protège. Job donc savait effectivement qu'il faut offrir des sacrifices à Dieu pour verser, pour le pardon des péchés. Qu'est-ce que Satan a fait lorsqu'il voulait entrer en action? Il a d'abord tué exactement ce qui va faire l'empêcher d'agir. Il a touché au niveau des holocaustes qui peuvent donner. Parce qu'il savait que si Job comprenait sa pam, il devait prendre rapidement une brebis, il va venir sacrifier. Donc Satan a d'abord frappé là-bas, pam, pour qu'il n'ait aucune brebis à offrir. Donc Job ne pouvait pas entrer dans l'accès plein de plans de Dieu parce qu'il y avait des péchés. C'est ça, hein? C'est-à-dire que Satan vient, il sait exactement où il va nous frapper. Vous me suivez, n'est-ce pas? Voilà. C'est comme ça que les boxeurs, ceux, les kickboxing, quand ils font, ils regardent là où il y a l'handicap, là où il y a la faiblesse de quelqu'un, c'est là où ils frappent. Quand ils frappent, tu commences à baisser, c'est-à-dire, ok, côté droit, là, la côte, là, il y a un problème. C'est là-bas qu'il va frapper. Maintenant, toi, tu vas vouloir te concentrer là-bas à fermer, tu vas ouvrir une autre partie, exposer ton visage, exposer ce côté-ci, et là, les coups te viennent là en plein. Vous avez mal, mes chers soeurs et frères, que Dieu vous bénisse. Alors, Satan a fait quoi? Il a frappé là où Job peut se protéger. Parce que les sacrifices et les locaux, on a dit au chapitre 1 là-bas que Job donnait les sacrifices à l'Éternel pour dire, pour pardonner le péché. Il a frappé là-bas. Maintenant, quand il a frappé le péché, maintenant, il pouvait même pas passer sur ses enfants, passer sur ses biens. Amen. Amen. Asseyez-vous maintenant, rentrons au chapitre 42 dans nos étions. C'est pas facile, n'est-ce pas? Mais il faut qu'on prouve moins 2 heures sur les 24, pour que tous les 24 ne soient pas pour la futilité. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous avons lu le verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Donc, ce qu'on a dit au chapitre 1, là-bas, qu'il avait telle chose, Dieu a multiplié ça par comment? Dieu a multiplié ça par... Mais c'est quand même terrible, ça. Attendez, je vous attends quand on aura fini. Si vous, je veux entendre vos voix là-bas. Verset 11, les frères, les sœurs et les anciens, c'est ici que je veux arriver. Écoutez très attentivement. Les frères, c'est amusant seulement, c'est comment la vie est. Si on comprend ces principes, on ne s'alarme pas, regardez bien. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangeaient avec lui dans sa maison. Je m'arrête derrière le point. Quand la difficulté de Job était là, vous avez vu ces gens-ci? C'est pour dire que quand Dieu a décidé sur toi, ce n'est que toi et toi-même qui allez faire face à l'épreuve. Quand c'est la joie, hein, chacun vient pour participer. Souviens-toi, quand tu es vous les femmes, quand vous accouchez à l'hôpital, vous criez sur la table. Même si tu cries un peu, même si quelqu'un est à côté, tout ce que peut te dire, c'est que courage. Parce que c'est toi qui portes cette difficulté-là. C'est toi qui dois subir. Mais lorsqu'il faut amener le truc là aux enfants, quand on amène la fête de l'enfant, vous mangez, on sert le jus aux gens, tout le monde participe, chacun boit. Toi-même que tu l'as, c'est même toi qui es en train de les servir. Donc on dit que ces anciens amis. Donc quand c'était comme ça, personne n'est venu lui donner une brebis. Personne n'est venu lui donner la Guinness même de bois, jamais. Mais quand tout est bien, quand on a donné au double, Job, tu ne me connais pas, je suis ta tante qui habitait là-bas à Mani. Tu me connais, Job, c'est moi qui étais le cousin. Tu avais envoyé un message, je n'étais pas arrivé. Tu avais dit Asia. Pourquoi? Alléluia. Donc la Bible déclare, il le plaignit et le consolait de tous les malheurs que l'Éternel a, regardez bien, que l'Éternel avait fait venir sur lui. Soulignez ça. Il le plaignit pour tout le malheur que l'Éternel avait fait venir sur lui. Qui avait fait venir le malheur sur lui? Voilà. On avance. Tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Quelqu'un qui est là, le riche, parce que c'est multiplié par deux, tu viens de donner un kessita d'or, que ça va lui faire quoi? Le gars cherchait les relations, le positionnement. Vous savez comment on nomme un ministre, maintenant vous voyez que chacun sort du village. Celui-ci apporte une chèvre, l'autre apporte là-bas, l'enveloppe vient me donner. Parce que comme c'est le ministre des travaux, quand quelqu'un va vouloir avoir le travail, le chantier, quelque part, il va aller, monsieur le ministre, tu es par droit moral, tu vas lui donner le marché. Les gars se positionnent. Amen. Écoutez bien, verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Vous avez vu? Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 6 000 paires de bœufs et 1 000 ânes. Il eut 7 fils et 3 filles. Vous avez vu? Donc, dès le départ, les difficultés que nous subissons semblent peut avoir des choses qui n'est pas à rire dans notre vie. Mais la Bible déclare, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc dis à ton voisin, si tu travailles par n'importe quelle difficulté, dis à ton voisin, si tu travailles par n'importe quelle difficulté, les difficultés ne sont pas permanentes, ni éternelles. Mais Jésus est éternel. Vous entendez? Si vous remarquez très bien, quand vous fréquentiez, les difficultés que vous faisiez face, parce que ça vous poussait à tricher. Ce n'est pas la même difficulté que vous passez maintenant. Parce que vous avez passé à un niveau. À chaque étape de votre vie, à chaque étape de votre progression dans la vie, correspond les difficultés correspondantes. Il y a des difficultés progressives. Quand vous serez dans la maison avec chez un homme, vous aurez des difficultés qui vont faire face par rapport à la jalousie, par rapport aux femmes qui sont dehors, et ainsi de suite. Quand vous aurez à avoir les enfants, vous aurez des difficultés par rapport à l'entrée scolaire, à la maladie. Vous aurez à avoir ces choses-là. Mais toutes ces choses-là sont faites pour nous amener pour un but bien précis. Remarquez bien que nous sommes allés dans Hébreux chapitre 13, verset 7, où on a dit que regardez le conducteur qui vous a annoncé la parole de Dieu. Regardez comment elle était la fin de leur vie et imiter leur foi. Et nous sommes, c'est pour ça que nous sommes venus à Job 42 pour voir comment était la fin de Job. La fin de Job, c'était qu'il a été restauré, rétabli, multiplié, redoublé. Dieu a doublé ses mises. Il avait sept fils et trois filles au départ. À la fin, on lui a encore donné, non? N'est-ce pas? Alors, faisons attention lorsque quelqu'un est traversé dans une difficulté selon Dieu. Ne le méprisons pas parce que nous ne savons pas quel est son lendemain. Quand nous voyons quelqu'un dans la vallée de l'homme de la mort en train de croupir, on ne sait pas si son passage est avec Dieu. S'il est avec Dieu, il va briller de toutes les façons. Jérémie chapitre 12. Jérémie chapitre 12. Aidez quelqu'un à trouver. Après Somme, vous allez dans le livre d'Esaïe rapidement, devant, loin devant. Que Dieu vous bénisse. Donc, remarquez bien, quand vous allez ouvrir Jérémie, dès que je vais finir, on va rentrer dans Esaïe qui est tout après, avant. Jérémie chapitre 12. Ça va être la scène qu'un institut d'évangile est sorti maintenant que si tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas souffrir. Hein? La Bible déclare que Christ a souffert et il nous a laissé un exemple. On dit que bien qu'il fût fils, il a obéi, il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Donc l'obéissance nous donne à souffrir pour Dieu. On avance là. Chapitre 12 du prophète Jérémie. Voici l'un des chapitres que j'aime. Remarquez bien, je vais vous dire que ce n'est pas quelque chose qui est d'aujourd'hui. Quand nous souffrons aujourd'hui, nous subissons des choses, vous entendez les chrétiens dire des choses, ce n'est pas comme ça. Vous voulez dire, ce n'est pas seulement notre opprobre. Ça a été toujours comme ça. Asaf l'a dit dans Psaume 73. Il a eu la même difficulté. Maintenant, regardez ce que le prophète Jérémie va dire. Tu es trop juste, éternel, pour que je conteste avec toi. Donc il reconnaît effectivement que. Il ne peut pas parler contre Dieu, il ne peut pas dire quoi que ce soit contre Dieu. C'est le prophète de Dieu ici. Vous lisez au chapitre 1, verset 5, il a dit que avant que je suis dans le ventre de ta mère, je t'avais choisi. Dieu lui a parlé face à face comme ça là. Dieu lui a donc dit que va parler. Il a dit que jamais il ne parle pas parce qu'il connaissait qui étaient les juifs. Tu parles, ce qui ne les arrange pas, ils vont te lapider. Donc il avait peur que Dieu ne les envoie pas là-bas. Alors, c'est pour ça qu'il est en train de faire le plan avec Dieu que Dieu n'envoie pas. Quand Dieu l'a envoyé, il a parlé justement, ça l'a traité. C'est donc pour cela qu'il a commencé à écrire, parce qu'il ne comprenait pas comment ceux qui sont en face de lui, qui ne font pas l'œuvre de Dieu, prospèrent, alors que lui, il sait Dieu, ça ne marche pas. C'est là où on se retrouve là maintenant. Il dit, je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. C'est-à-dire qu'il veut comprendre les façons de Dieu de faire. Il dit, il pose la question 1. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Jérémie veut que Dieu lui explique ça. N'est-ce pas la même chose aujourd'hui? Regarde les gens qui ont le serpent, ils ont des grosses voitures, c'est pas ça. Ils ont de grandes maisons, de grandes surfaces avec les lacs. Toi, tu trouves, mais pour trouver un centimètre pour mettre ta tête, c'est un problème. Nous, voici une soirée de couler là-dessus aujourd'hui. Quelqu'un, des gens qui vivent dans la franc-maçonnerie, la maison est climatisée, même les toilettes sont climatisées. C'est ça ou c'est pas ça? Alors que nous avons la chaleur. Il fait comme ça, il vole même la lumière. Toi, tu sais, tu tentes de dire que tu as truqué le compte, tu comprends ce que ton cœur te dit. Amen. Tu sais que si tu mets la clim, ça va te déranger. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences à prendre les papiers pour te faire les ventilations toi-même. Fais comme eux, tu vois. Va aller mettre le compteur là-bas, d'autres trucs. Tu vas voir très bien que tôt ou tard, tu vas y revenir là-dessus parce que je ne peux avancer avec toi. Et tu sais très bien que tu ne peux pas le faire. Amen. Amen. Il dit, pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les pervers vivent-ils en paix? Tu entends donc que ce sont les vieillards, là, les vieillards là, les sorciers, là, ils sont eux là, tu les chargés d'un bon point. Jérémie pose la question, pourquoi eux vivent comme ça là? Puis il dit ici, tu les as plantés, je vais revenir sur tu les as plantés, les sujets dans un autre enseignement, parce que c'est pas assez mal dit là. Ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Allez voir les francs-maçons en premier plan dans les églises, les rosicruciens. Wow, alléluia! Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Regarde les présents de la public. Lorsque l'on fait les cérémonies, ils sont là. Les messes, on fait les messes, ils sont là. Ils disent ça de la bouche. Tu dis pas quoi, ils répètent. Amen. Alléluia. Amen. Mais des satanistes qui tuent, ils mangent le cœur de l'enfant creux. Il dit que tu es près de vous, mais loin de leur cœur. Après, verset 3, et toi, éternel, tu me connais. Tu me vois. Tu sens mon cœur qui est avec moi. Après, c'est fâché. Il dit que enlève-les comme un brebis qu'on doit égorger. Et prépare-le pour le jour du carnage. Parce qu'il ne comprenait pas que, en fait, le plan de Dieu, c'est que les méchants prospèrent sur la terre pour que nous ayons pour nous de façon éternelle. Vous savez, c'est ça. Hein? Maintenant, regardez verset 5, regardez bien. Si tu cours avec des piétons et que tu es fatigué, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Vous suivez? Je souhaité entrer, mais je vois. Ouvre tes yeux, regarde là, regarde le verset là. C'est quel verset déjà? Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est quel verset? Allez, regardez. Je vais m'arrêter ici dans ce livre de Jérémie. Regardez la suite suivante. Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Suivez ce que le prophète André dit. Le Cameroun, par exemple, prenons le Cameroun. Quand il n'y avait pas de soulèvement dans le pays, on dit que le Cameroun était un îlot de paix. Ok. Comment était le Cameroun? Tu ne passes pas par les difficultés. Comment tu es en paix, tu marches, rien n'est arrivé, rien n'est arrivé. Comment vas-tu faire lorsqu'il y aura les tribulations, lorsqu'il y aura les secousses? Il dit, si tu ne te crois en sûreté, donc je suis en paix dans un pays paisible, je suis en sûreté. C'est parce qu'il y a la paix que tu es en sûreté. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Tu dois savoir si oui ou non ton cœur est testé, ta foi est testée lorsque tu vas passer par les tribulations. Il faut que ça passe par là pour que tu saches ce qu'il en est. C'est ça, n'est-ce pas? Ok, maintenant regardez ici. Il dit, car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Donc ça veut dire que quoi? Il faut faire attention, même quand tu te dis tout semble marcher, parce que tes propres amis peuvent te trahir. Ça peut sortir de là. Autrement dit, tu ne sais pas ce qu'on a préparé derrière toi. Vous voyez cela? N'est-ce pas la personne qui était proche de Jésus, qui gardait le trésor? C'est pas lui qui allait le vendre. Hein, mes chers? Alors, suivez attentivement. Lisons Jérémie, rentrons directement dans Jérémie, là, chapitre 41. Jérémie, chapitre 41. Notez Jérémie, chapitre 41, on va y revenir. Mais allons au chapitre 43 rapidement pour que vous voyez quelque chose. On va revenir là. Non, qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe, pardon. Ésaïe, donc, tout à l'heure, j'ai dit que lorsqu'on finit dans le livre de Jérémie, on revient le livre de derrière. Donc, lisons Ésaïe 43, mais on va revenir en 41. Regardez, suivez attentivement. 43. Vous la partie du verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Oh, Mélissa. Vous avez vu ça? Mm-hmm. Il dit, celui ne craint rien. Ne craint rien. Car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Puis il dit quoi? Verset 2. Écoutez exactement. Si tu traverses les eaux, je vais te porter. Tu ne dois pas traverser. Vous avez vu ça? Tu as lu ce qui est écrit, non? Vous avez entendu ce qu'il a dit, non? Donc Dieu dit que si tu traverses les eaux, il va te porter, aucune goutte d'eau ne doit te toucher. Vous avez vu ça? C'est ce qui est écrit? C'est écrit comment? Si tu traverses les eaux, donc ça veut dire que vous allez traverser ça ensemble. Donc ça veut dire que tu ne portes pas la difficulté. Ça regarde bien. Ça suppose donc que quand tu traverses les eaux comme ça, là, ça va te noyer. Même jusqu'à ce que je suis à côté de toi, il fait comme toi. Que mon gars, avançons ensemble. Avançons ensemble. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit quand tu vas traverser les eaux, il va te porter pour que les eaux ne te touchent pas et te mettent de l'autre côté. Jamais. Vous allez traverser ça ensemble. Parce que cela a un but. Puis il dit, je serai avec toi et les fleuves, ils ne te submergeront point. Ça veut dire que quand tu vas vouloir entrer à un moment donné, si c'est entrer en profondeur, tu vas te noyer, il va te soulever. Que non. Traversons un peu, il te laisse là-bas pour que tu continues. Juste que tu traverses. Ça veut dire quoi? Dieu a programmé les difficultés pour nos vies. Ces difficultés servent pour des buts et Dieu nous attend à ce que nous traversons ensemble avec lui. Qu'on lui fasse confiance afin que nous traversons ensemble. D'accord? Alors, en tant que chrétien, préparons-nous, sachant que lorsque nous sommes devenus chrétiens, nous avons déclenché la guerre. Nous sommes entrés dans la bataille entre Christ et Satan. Nous sommes entrés malgré nous. Et par conséquent, il va utiliser toutes les artifices qu'il a toujours utilisées contre les serviteurs de Dieu sur nous. Mais Jésus nous invite à lui faire confiance dans cette marche-là. Vous suivez? Ok. Maintenant, chacune des choses qui sont dites, si vous voulez voir que vous allez voir que quelqu'un, les gens dans la Bible ont subi cela. L'apôtre Paul dans chapitre 28 va. Oh non, levons-nous, tenons-nous debout. Tenons-nous debout, pardon, comme ça, vous serez sûr que ça ne suit. Courage, d'accord? C'est le problème de 22h qui cause le problème. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Je sais que dès qu'il va dire Amen ici, le sommet va quitter. Chacun va aller là-bas parler. Maintenant, comme ça, mais quand il y a Masango, il va dire Makarana. Maintenant, il dit, regarde, Dieu veut nous faire comprendre un principe, que si nous sommes avec lui, il y aura toujours des difficultés. J'étais allé dire donc que dans cette verset, on veut voir que si tu avais des eaux, je serai avec toi. On vit l'apôtre Paul qui était dans le bateau s'est cassé, Dieu était avec lui dans le bateau. L'ange est venu dans la nuit, lui dit que ne crains pas que je te donne ceux qui sont dans ce bateau-ci. Il a donné les instructions. Vous voyez, l'ange n'est pas venu porter le bateau, aller mettre au large, ni porter l'apôtre Paul, aller mettre au large, mais il lui a dit que vous allez traverser, ça, il y aura les cargaisons qui vont se fâcher, qui vont se casser, mais vous allez sortir. Vous suivez, n'est-ce pas? Nous avons vu dans le cas, quand Jésus lui-même était sur la terre, nous avons vu ses disciples lui-même, Jésus, dans la barque, l'eau commençait à faire brou, brou, brou, brou. Il dormait dans la barque. La Bible déclare que les disciples sont venus, comme maître, nous périssons et toi tu dors. Que pendant qu'on a une difficulté, tu dors, il s'est levé. Il a arrêté la corde, il s'est tourné vers l'eau. Il a dit silence. Quand c'est silence, il s'est tourné vers eux, il dit mais le vrai problème c'est quoi? Donc pour lui, il ne voit pas lui les problèmes. Alors que les gars avaient la crise, parce que les yeux étaient sortis comme ça là. Alléluia. Donc, c'est nous qui voyons la difficulté parce que nous sommes humains. Lui, il n'y voit pas la difficulté parce qu'il est la solution. Amen. Regardons l'autre verset. Il dit, verset, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Il n'a pas dit qu'on va faire une compétition en dans le feu pour voir si ça va nous brûler ou pas. Il a dit, si tu marches dans le feu. Nous avons vu un exemple. Si on a dit que toutes ces choses, il y a des exemples dans la Bible. Nous avons vu Abednego, Shadrach qui ont refusé de désobéir à Dieu. On les a portés, multiplié le feu par 7. Verset à l'intérieur, ça, poum. Ils sont tombés à l'intérieur de la Bible, que même pas la fumée n'était sur eux. Ils étaient dans le feu. Ça peut être les science-fiction. On peut croire que c'est les science-fiction, mais c'est la parole que Dieu a donnée. C'est la parole de Dieu. Vous voyez? Il dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Pourquoi? Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Il dit, Saint d'Israël, ton sauveur. Ça veut dire que dans n'importe quelle détresse, il est là pour te sauver. Donc, il y aura les détresses, mais Dieu, à la fin, a la solution. Amen. Amen. Chapitre 41 maintenant. Dès qu'on finit chapitre 41, on va enfin dans Jacques et puis je conclue là-bas, comme lui-même l'a conclu dans Jacques. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Malgré bon gré, je vous aime quand même. Vous m'aimez aussi. Non, il y a plusieurs personnes ici, c'est une personne qui dit qu'elle-même. Et c'est ma femme même qui dit qu'elle-même, donc elle n'a pas le choix, mais d'abord. Amen. Vous m'aimez. Il, non mais, pour la partie verset 7, hein. Le sculpteur encourage le fondeur. Celui qui polie au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Ah, Dieu a des langages ici. Il dit de la soudure, elle est bonne. Et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Regardez très attentivement. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine. À qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je ne te rejette point. Puis dit verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Pourtant, c'est la personne qui l'a appelé. Il sait que la personne vit des difficultés. Il l'a appelé des contraintes lointaines. Vous voyez, après il dit que ne promène pas des regards. Donc autour de nous, il y a des situations qui peuvent nous pousser à avoir la crainte. Dieu dit que ne regarde pas ça. Dis à ton voisin, ne fixe pas tes regards sur les difficultés. Mais sur celui qui t'a appelé. Le Seigneur Jésus-Christ. Vous remarquez donc que quand le Seigneur Jésus-Christ marchait sur la barque, là, sur l'eau, il venait dans la nuit. Là. Les apôtres ont commencé à crier. C'est un fantôme. Jésus a dit que ne craignez pas, ne vous épouvantez pas, c'est moi. L'apôtre Pierre a dit que si c'est toi, Seigneur, dis que je marche sur les eaux comme toi. Il a dit que viens. Il a commencé à marcher sur l'eau. L'eau qui est mou, dont on se met le pied, tu vas entrer. Il marchait, c'était comme le ciment. Il s'avançait vers Jésus. Un temps, quelque chose est arrivé, s'est tourné comme ça, il a enlevé les regards de Jésus, il a commencé à regarder. Mais l'eau aussi, à l'instant où il a regardé l'eau, ça a commencé à le noyer. Mais pourtant, quand il avait le regard sur Jésus, il marchait sur vient. C'est-à-dire qu'il marchait sur la confiance en Jésus. Quand on marche sur la confiance en Jésus, on ne craint pas les difficultés. On ne voit pas les difficultés, malgré que les difficultés sont là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés. Il y a les difficultés, mais tu te concentres sur celui qui accorde ces difficultés pour nous éprouver. Amen. Il dit que ne crains point. Il a d'abord défini que c'est lui qui l'a appelé des extrémités de la terre. Il ne promet pas tes regards. Ne crains rien car je suis avec toi. Donc, les choses qui te font craindre là. Il dit, souviens-toi de moi que c'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai parlé. Je suis devant toi. Puis il dit, je te fortifie. On fortifie quelqu'un qui est faible, n'est-ce pas? Il dit, je viens à ton secours. On vient au secours de quelqu'un qui a des difficultés. Donc, l'appel est inclus dans les difficultés sont incluses dans les appels. Les difficultés sont incluses dans les appels. Il dit, je te soutiens de ma droite triomphante. Vous voyez, voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Donc, toute personne qui va se lever contre toi en tant que chrétien, reste seulement tranquille devant le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Amen. Quelque en sorte qu'ils vont faire, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit ici. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Pourquoi? Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite. Qui te dit, ne crains rien. Dis à ton voisin, non, ne crains rien. Parce que le Seigneur est notre Dieu. Il est notre bouclier. Il ne nous laissera jamais tomber. Voilà. Verset 14. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Amen. Amen. Amen. Vous avez saisi ceci. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est l'ami fidèle véritablement. Le Seigneur Jésus-Christ est fidèle dans nos difficultés. Quel qu'en soit ce qui nous arrive, ça contribue pour notre bien, pour le bien de notre foi. Si tu ne souffres pas, tu ne dois pas comprendre ce que c'est que les épreuves. Tu vas toujours croire peut-être que tu es bien avec Dieu parce que les choses réussissent. Mais c'est dans les difficultés que tu sais quel Dieu que tu sais. Dans les difficultés que tu peux savoir quel Dieu tu sais. Si tu sors de la difficulté sans avoir utilisé les bras humains, alors que c'est une intervention divine, tu vas dire, le Seigneur est avec moi parce que quand j'étais dans la difficulté, il m'a sorti de là. Plus tard, tu peux avoir la fortification dans les différentes épreuves, sachant que dès le départ, quand tu avais vu la difficulté, Dieu t'avait sorti. Donc tu as confiance, la foi, que maintenant si je suis dans une difficulté, il va me sortir de là. Donc les difficultés nous servent à connaître Dieu mieux. Amen. Amen. Finissons donc avec Jacques chapitre 5. Jacques. Que Dieu vous bénisse. Jacques. Jacques chapitre 5. Amen, amen, amen. Souvenez-vous, dans votre esprit, que ça marche toujours que le Seigneur Jésus-Christ est l'ami fidèle. Est ton ami fidèle. Il est fidèle. Jacques chapitre 5. Donc ne fuyez pas les difficultés. N'essayez pas d'esquiver les difficultés. En fait, si vous êtes pour Dieu, et si Dieu vous a appelé, vous ne pouvez pas fuir les difficultés. Vous allez tourner, y revenir. Il n'y a pas de raccourci chez lui. Vous pouvez redoubler la classe là-bas. Vous êtes tôt ou tard, on ne négocie pas pour sortir. On n'arrondit pas les notes là-bas. Vous allez passer chacune des épreuves. Pourquoi? Parce que chacune de ces épreuves-là sert pour un but. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes font des rêves bizarres. C'est-à-dire quelqu'un rêve chaque fois, mais malgré que la personne ne fréquente plus. La personne est âgée, vous voyez, la personne rêve comme l'ancien écrit dans l'école. Il a de les fréquenter. Tu dis que hey, c'est quand j'ai d'examen que ça n'est passé comme ça là. Dieu te montre que tu es à l'école, que bientôt les épreuves vont être composées. C'est pas que non. C'est parce que Dieu me montre qu'il va aller fréquenter que passer. Parce qu'il avait dit, Dieu a de lui montrer que tu es à son école. Il a en réalité fait passer par des épreuves. Bientôt les compositions arrivent. Donc prépare-toi, lis tes cours. Amen. Chapitre 5, on va aller partir verset 7. Puis il dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Est-ce que le Seigneur est déjà venu? Est-ce que Jésus-Christ est déjà venu? Donc il a dit que jusqu'à l'avènement du Seigneur, qu'on soit quoi? Patient. Vous avez dit, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la reste saison. Voilà le maïs qui s'est mis autour de la maison. Ok, c'est dit, je vais manger le maïs maintenant, J'ai le pouvoir pour faire sortir le maïs là. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de rester tranquille. N'est-ce pas, chaque soir, on va au balcon, on regarde le maïs. On attend seulement. Dans cette attente-ci, on attend quoi? Le fruit. Pour que ça produise le maïs. Pour que nous mangeons. Quand nous allons manger, nous serons en joie. Quand on mange le maïs, on ne réfléchit pas sur combien de temps on a mis le grain au sol, sur le maïs est sorti. On se concentre sur le fruit. On se réjouit. De la même façon, quand le Seigneur va venir, toutes les difficultés que nous avons eues sur la terre, ça va s'essuyer en un instant. Parce qu'il a dit qu'il essuiera les larmes de nos yeux. Il n'y aura plus ni pleurs, ni traces là-bas, ni rire. Il n'y aura pas quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que ce sera la joie éternelle. Donc, pour expérimenter la joie éternelle, il faut passer par les tribulations. Parce que la Bible déclare que si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Amen. La Bible continue ici en disant, verset 8, vous aussi. On s'adresse à qui? On s'adresse à qui, mes frères? Vous aussi, soyez patients. Dans l'attente, là, dans cette patience-là, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Verset 10. Prenez, mes frères, pour modèle des souffrances. Dis à ton voisin, calque ta part de souffrance dans la Bible. Ne prends pas seulement des promesses dans la Bible. Ne prends pas seulement des promesses dans la Bible. Calque aussi les souffrances. Calque aussi les Vous savez, les chrétiens d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut, on peut regarder? On dit que la bénédiction d'Abraham est pour eux. On dit, oh, la bénédiction d'Abraham pour moi au nom de Jésus. La bénédiction d'Abraham est pour moi au nom de Jésus. Calcule aussi les difficultés d'Abraham. Calcule aussi les souffrances d'Abraham. On vient de nous dire ici là, prenez mes frères pour modèle des souffrances. Premier mot, c'est souffrance. Donc, il y a des modèles de souffrance dans la Bible. On a dit qu'on prend ça. Prenez pour modèle des souffrances et des patiences. Ça dit que quoi? Ça dit que les gens qui souffraient là étaient patients. Genre, on ne nous dit pas combien ça a duré, l'intervalle de temps que ses enfants sont morts, de ce que les brebis sont morts, de ce que la maladie est venue. On ne dit pas. Si c'est 8 ans, ça suppose qu'il a dû parcourir 8 ans dans les difficultés. Il a été patient. Enfin, même s'il n'est pas patient, il devait faire quoi pour résoudre le problème? Vous voyez? Donc, c'est Dieu faisant. On dit donc qu'on prend pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Donc, on se tourne vers eux. Et je crois que passer par la grâce du Seigneur ce soir, je suis allé depuis Adam. En parcourant, dans la Bible, vous allez vous dire tous ces prophètes que nous avons touchés. Donc, regardez leur façon de vivre, comment ils sont dans la souffrance. Puis on dit, voici nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Donc, ceux qui souffrent patiemment, donc tu souffres. Tu es patient dans la souffrance. Les chrétiens aujourd'hui, on nous a enseigné à ne pas souffrir. Parce que tu seras la terre, tu seras en bas. Si la souffrance vient, c'est que botte les difficultés. Je marche sur la pauvreté. Je chasse la pauvreté. Après, on dit, au nom de Jésus. Après, on dit que sors ici, va t'acheter une veste. S'il n'y a pas de veste, prête de l'argent, tu achètes. Parce que quand tu portes sur toi, tu brilles, même la pauvreté va fuir. Tu t'amuses. Sur la pauvreté, là, tu viens d'ajouter les dettes. Où c'est ça? Hein? Il dit que voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Puis il dit, vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez vu? Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Amen. Amen. Amen. Et Dieu, merci, nous avons lu ce Job. Si vous avez vu effectivement le début, comment les écritures ont commencé. Nous avons vu la fin. Ici, le Saint-Esprit dit, initialement, d'abord, lui, Hébreux chapitre 13, verset 5, où il a dit que regardez la fin, imitez leur foi. Ici, il nous dit que vous avez entendu parler de la patience de Job. Remarquez qu'il ne parle pas de la souffrance de Job, il dit de la patience. Il était souffrant, mais il était patient à l'intérieur, s'attendant à Dieu. Patience, ça ne veut pas dire que tu attends tout simplement. Ça veut dire que dans ton attente, tu espères en Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Quel ami fidèle et tendre, nous envoie en Jésus-Christ. À nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, nous avons en Jésus, toujours prêt à nous comprendre, quand nous sommes en souci, disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Nous avons en Jésus, toujours prêt à nous défendre, quand nous presse l'ennemi, il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée. Décide des combats. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre, avec en comptant sur lui, s'il nous voit vrai et sincère, chercher la sainteté, il écoute. paix. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ, nous avons en Jésus. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc les trois chevaux en comptant sur son secours, tôt nous aurons la joie. Suivons donc les trois chevaux, en comptant sur son secours, tout nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier donc maintenant? Père, tu es fidèle. Et très souvent, c'est nous qui sommes infidèles dans nos marches parce que nous ne comprenons pas tes voies. Nous ne comprenons pas, ô Dieu de gloire, tes desseins et par conséquent, nous murmurons. Prosternez, ô Dieu de gloire, dans cette assemblée maintenant, avec cette assemblée. Nous voulons, ô Dieu de gloire, te remercier pour cette soirée merveilleuse que tu nous as accordée. Parce que tu nous as donné, ô Dieu de gloire, de comprendre que chacune des choses sert pour un but dans notre vie. Tu nous as dit en première partie, Père, que nous ne devons pas aimer ce monde. Tu nous as rappelé en disant, ô Dieu de gloire, que tout ce qui est dans ce monde, c'est passager. Nous te rendons grâce pour ces rappels, Seigneur Dieu de gloire, car très souvent, nous nous détournons de ces choses, bien que tu nous les as déjà dites. Et nous nous fions au monde. Nous nous confions au monde, nous voulons nous conformer au monde. Parce que très souvent, nous avons les exigences que le monde nous impose, les standards que le monde nous impose, au point que nous voulons nous mêler au monde, ne sachant pas que nous sommes une race élue, une nation sainte, des peuples à part, sanctifiés pour ta gloire. Donne-nous encore ce soir, à tous ceux qui nous écoutent, à ceux d'ici, à ceux de l'étranger, à ceux de l'extérieur, partout nous allons nous écouter, Père, donne-nous de comprendre qu'au Dieu, que les difficultés servent pour un but, mais que dans ces difficultés, tous ceux qui te craignent, tu es avec eux pour les faire traverser dans ces épreuves, car ces épreuves et chacune des épreuves que tu as destinées pour nous servent pour ta gloire, pour la gloire de ton Saint-Nom. Donne-nous de comprendre ces choses afin de ne point murmurer. Que la grâce, ô Dieu de gloire, ta grâce que tu as réservée pour nous aujourd'hui, soit sur ton peuple. Donne-nous, ô Dieu de gloire, de comprendre tes voies et d'y marcher, d'assimiler ta volonté, Père de gloire, et de se soumettre. Donne-nous, ô Dieu de gloire, cette nuit. Donne-nous, Dieu de gloire, ce moment. Donne-nous, Dieu de gloire, dans nos vies. De ne point murmurer lorsque nous traversons par les difficultés, mais plutôt de te faire confiance, Seigneur Jésus, de marcher dans la voie de la sainteté, en attendant, dans la patience, que tu nous fasses traverser ou traverser ces souffrances pour pouvoir épurer notre foi. Que ton nom seul soit glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Et que l'Assemblée dise Amen. Amen. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.